question. Cet épisode du podcast de Papa Cassette est une présentation de Lagerbrau, bière adéquate. Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue à l'épisode 143 de Su Papa Cassette. Ben oui! Salut JF! Hey Dom! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Encore une fois, très fatigué cette semaine. Oui. Standard ici chez Papa Cassette. Exact. Mais c'est pas grave, on va se requinquer parce que c'était... On a eu une genre de pause. Une pause de un mois, en fait. On a manqué un épisode parce que t'étais en vacances. Exactement. Je reviens de vacances depuis... On est mercredi. Je suis revenu lundi. Alors, je vais parler un petit peu de mes vacances tantôt. Alors, on va saluer les gens dans le chat qui nous disent « Bonsoir tout le monde ». Milter qui a encore une fois son Raid of One. Absolument. Voilà, d'ailleurs, là, qui vient d'arriver. Tantôt, on a eu un hype train quand ça a commencé, puis je pense qu'on n'a pas réussi à leveler up le hype train, qu'on comprend pas ce que c'est d'ailleurs, le hype train sur Twitch. Là. On a eu un hype train de 1%, de 12%. Exact. Alors, ça devrait être les wagons de la queue, comme on dit. Les grands sont là ce soir. Ben oui, est là, Mega Exhort est là. Ben oui, Kev, Jason, c'est merveilleux ça. On a mis le panneau de la Lagerbrau en intro parce qu'on a oublié de l'enlever, mais on se dit qu'on est encore commandité en fait. Parce que il nous en reste de la Lagerbrau, de la bière adéquate. Donc, on remercie Jason. Et puis, on va se déboucher ça dans pas long. Et puis, ben, JF, tu peux peut-être. Ouais, puis d'ailleurs, c'est la bouteille à Kevin. Je vais la mettre de côté. Kevin, tu l'as vu live, elle est-tu ta bouteille? Ah, je me demandais c'était quoi. C'est ça. C'est ça le gag. Je traînais chez nous, j'ai oublié. Ah, voilà. Et puis, on va remercier aussi... Ben, en fait, you know what, on va parler... je prendrais une... J'ai envie de commencer avec une Mario Pint, en fait. Ouais. Même, on parle de Lagerbrau, mais il nous en reste encore des Mario Pint, alors je vais y aller avec ça. Et puis, comme je disais à JF, je suis venu en vélo parce que mon épouse est partie en Beauce avec la voiture et mon plus jeune. Fait que je suis venu en vélo, fait qu'à soir, on va peut-être boire un petit peu plus. On va être plus funné. Puis vu que je suis fatigué, ça va tomber vite l'alcool dans le sang. C'est merveilleux parce que je suis bien stressé. Fait que voilà. Et puis je vais commencer par une gueule. Ouais, mais j'ouvrais la mienne pendant ce temps-là. Fatigué moi aussi. Beaucoup de travail, beaucoup de petit enfant qui te pète, petit enfant. Mon gars qui tousse la nuit, qui me réveille à chaque 15 minutes. Ah ça là, les enfants toussent une nuit là. Mais c'est plus que c'était. Hier, il s'étouffait là, comme là, il était correct. Puis je me levais, je regardais, il dormait. Je suis comme bon. Là, t'es le temps comme, est-ce qu'on passe à un autre rhume pendant une couple de jours encore, là, puis t'es stressé puis tu dors pas, là. Ah ouais, non, ça c'est le pire, man. Ce feeling, là, d'entendre. Des fois, je les entends, les enfants aussi, le coin de la rue, là, ça tousse, là, ben cru, là, je suis comme, fuck, j'ai-tu respiré le même air que lui, là? Tu sais, fait que c'est ça. Fait que non, en fait, samedi dernier, on a tourné le Garden Party. Alors, finalement, on a fait un garden party. On a essayé de faire un garden party. Exact. Il n'y avait pas vraiment de paramètres de qu'est-ce qu'on fait comme garden party. C'est quoi? On est comme, on va improviser de quoi, là, puis on verra ce que ça va être à la fin. Ben oui, on a lancé ça. Ça allait se passer chez vous. T'allais faire de la bouffe, et puis on a fait un genre de squelette avec des chroniques, et puis plein d'affaires comme ça. Et puis, c'est ce qu'on a suivi pas mal. Puis, on a bien du footage. Et puis, on a reçu de la bière de Lagerbrau pour l'occasion. Oui, personne. Jason lui-même. Qui est venu dans la tempête. Il a quitté l'Empire Gaouette. La tempête depuis du vendredi, quand c'était débile, qui est venu me porter de la bière. Ben oui. Très apprécié. Fait qu'il est parti de son coin, puis il est venu direct chez vous amener ça en main propre. Fait qu'on s'est tous gavés là-dedans. C'était délicieux. Merci beaucoup, Jason. C'est très apprécié, vraiment. Puis les bières étaient vraiment très, très adéquates pour vrai. Elles étaient excellentes. Là. C'était du bon stock. Puis je veux dire aux gens aussi, quand vous allez voir l'épisode, quand on les ouvre, puis je veux réconforter Jason aussi s'il écoute le show, quand on les ouvre, les bières, ils broutent en malade. C'est pas parce qu'il y avait trop de gaz dedans ou qu'il y avait un problème de la part du brasseur. C'est parce qu'elles ont servi à faire du footage puis du visuel. À un moment donné, il était sur un flamand dans la piscine. Exactement. Ces bières-là sont faites culbuter pas mal. C'est nous autres qui les a brassées. Puis, on remercie bien sûr le marché Bonichois Neveu de Laverlochère qui a pris le temps de... En fait... Qui a débloqué les fonds pour nous envoyer de façon express chez nous une boîte de Doritos spéciale. Exact. Il y avait la nouvelle série, là. Ben oui. La Nuit Blanche. Nuit Blanche, cheeseburger, qui goûtait le cheeseburger. Hey, ça, c'était une surprise. Nuit Blanche, cheeseburger, c'était excellent. Il y avait nachos tout garni. Ouais. Puis un autre, man, la poulet à la peigne au cheddar. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Qui étaient tous délicieuses, en passant. Et quelques régulières aussi, là. Exact, exact. Qui ont pas mal toutes servi, ou toutes été mangées, ou à peu près tous. Là. Exact. Oh non, il n'y a pas de perte là-dedans. Il y a eu, en fait, il y a eu un sac de perte, puis c'est... Il était comme tout humide après ça, là. Il a été dans la piscine, celle-là aussi. Les Doritos ont été dans la piscine. Parce qu'on a fait des shots aquatiques, parce qu'on est fous de même, là. Exact, exact. Fait que c'est ça. Celle-là, on l'a perdu un peu, mais... Mais c'est pour une bonne cause. Il y a un demi-sac qui est servi à faire de la petite tanneure pour les ailes de poulet. Les wings, en effet. Ça prend juste un demi-sac pour faire toute une belle... pour faire une... Mais c'était pas tout au complet, les wings. Non, c'était une douzaine. C'était, ben, je sais pas, j'ai pas tant calculé. J'ai splitté ça à l'œil, là. Mm. Le tiers, en fait, qui était des Doritos dessus. Fait que ça, c'était excellent. Et puis, comme on disait, merci. Moi, j'ai fait la demande d'avance. Il a dit oui, oui. Puis, il avait oublié. Fait qu'il me poke, tu sais, comme deux jours avant. Je dis, hey, j'ai oublié, guys. Je vous ship ça express. Ça a coûté nettement plus cher c'est de shipper. C'est pas rentable, son affaire, là, c'est sûr. Là. Ben, ce qui est drôle avec le marché Bonichaux à Neuveux, plus cher, c'est que c'est jamais rentable. Ben, le marché là-bas, il doit l'être un peu. Là, mais... Non, mais le marché est rentable. Mais ça, comment dire, t'es pas vraiment rentable que parce non, que c'est là. Tellement loin. Que on peut pas, c'est pas comme si tu sais on comme on lui donne l'exposure à côté c'est quasiment pour la joke tu sais mais comme, s'il était ici dans genre on pourrait commencer par un dépanneur à Quaticook là genre dans le nord là à Coudjouac ça serait même affaire là c'est ça c'est trop loin pour que le monde y aille en profiter mais il y en a des fois qui vont pareil qui passent par là je pense ou dans la région de tu sais exactement puis là on a quelque chose de spécial puis on va faire ça à l'instant on passe à l'improviste d'ailleurs on va c'est très improvisé ça sera broche à foin là. Et puis, je vais faire un appel, OK? Puis, on va parler à quelqu'un qui va nous expliquer quelque chose en lien avec la Verlechère. On baisse un petit peu la musique. Fait que j'appelle. Oups. On va mettre la musique pendant que Dom m'appelle. Voilà, ça s'en vient. Des bons moments de radio ici. Salut, salut, c'est Papa Cassette. Ben oui, salut, ça va toi? OK. Là, on t'entend pas encore, mais je vais mettre le téléphone sur haut-parleur et puis quand je te dis go, tu peux y aller. C'est excellent en ce moment. OK. Fait que t'es live. Donc, ben parfait, c'est ça. Donc, je sais pas si vous avez fait un petit... On t'a pas présenté, ben non? Faudrait on va le faire. Donc, au moins. Ah oui. On parle à Alex Meunier. Qui est un auditeur de longue date. Ouais, ouais. Et puis qui a fait un petit détour par le marché Bonichois Neveu de la Verlechère dernièrement. En fait, c'est même. Dans le fond, écoute, moi, je viens pas d'aussi loin que de Montréal où. Moi, je viens du coin de Maniwaki. Cache-en et puis, avec ma blonde, on a décidé de faire un petit road trip là, durant notre été. Puis, on est allé voir Brian Adams qui était. Contre toute attente, là, en show à Rouyn-Noranda, vendredi passé. c'était, en tout cas, méchant bon show, belle trip, puis on voulait pas repasser à travers le parc de la Vérendrye deux fois. On a décidé de faire la grande boucle du Témiscamingue. On a passé par l'Ontario, puis on est revenu par chez nous, là, par l'autre bord. Puis, tant qu'à descendre dans le Témiscamingue, ben, on a décidé d'emprunter la route qui nous a menés jusqu'à Laverlechère. Écoute, tu parles d'un beau petit coin de pays. Évidemment, tant qu'à passer là, j'ai arrêté au marché Neveu, histoire de prendre des Doritos. Je vais me les faire autographier par Monseigneur Neveu. Malheureusement, il était pas là. Je pense qu'il était parti à la chasse au renard. Sûrement, sur son cheval, là, des affaires importantes. Sur son cheval. Exactement. Mais toujours est-il là, que c'est ça. J'ai acheté mon petit sac de Doritos puis il y a ta photo à l'écran là justement là devant le marché Bonichois. Fait que puis pour vrai là c'est tellement un beau coin cet endroit là tu sais continuant à faire de la pub pour le marché faites la pub aussi pour les beaux coins de région comme ça là ça vaut vraiment le détour là c'est plus que juste pour la joke là c'est ça va à peine là, de voyager comme ça, puis peut-être rencontrer des seigneurs. Là, dans les terres seigneuriales. Oui, parce que tu me parlais... Ben, là, toi aussi, t'as vu son château au Seigneur, là. Ben, OK. À deux pas du marché, il y a littéralement un château. Je sais pas si t'as... Je le mets là. Aussi, là. Il est à l'écran, là. C'est vraiment juste à côté, tu sais. C'est pas gros comme un château, mais c'est un château pareil, là, tu sais. C'est suffisant pour Monseigneur, là, on pourrait dire, là. Ben, tout à fait, là. C'est une modeste seigneurie, pareil, là, vers le cher. Oui, c'est modeste, mais ça le fait. On voit même, d'ailleurs, qu'il y a une antenne, rien de moins qu'une antenne parabolique sur le top du château. Ça lui permet sûrement, de, comme disait JF tantôt, de pogner des postes américains. Ouais, hein? Ben, ou le 3 ou le 4. Dépendamment de sa console. Puis c'est très, très beau, le petit portique là, en bois blanc là, qu'on pas de, voit pas de niveau, pour rentrer. Pour vrai, c'est à 500 pieds du marché, là, direct sur le coin du chemin. Là, c'est quand même drôle. OK. Pas une, sûrement une place qui a des gros bancs de neige l'hiver, comme on dit. sûrement. Nice, nice. Hey, en tout cas, c'est vraiment cool que tu aies... Parce qu'avant qu'on t'appelle, on rigolait un peu en disant justement comment est-ce que la commandite, tu sais, c'est une joke, tu sais, puis elle lui rapporte rien, là, mais... Juste, puis c'est vrai d'une certaine façon, mais juste en même temps de voir ça, surtout que tu aies pris le temps, puis d'avoir pris une photo, puis d'avoir envoyé ça, pour vrai, c'est de l'or, là, OR, là, c'est golden, là, c'est vraiment, vraiment cool, là, tu sais, puis je trouve, c'est chaleureux, là, tu sais, c'est... Oui, puis moi, je suis juste content de contribuer au lore de l'émission, tu sais, puis d'embarquer un peu dans le job, puis... Ouais. En faire partie un peu, là. Ben, c'est une joke, mais c'est du love en même temps, tout ça, là, tu sais. Les auditeurs, nous autres avec vous autres, le marché Bonichois, là, tu sais, c'est tout du love, et puis c'est vraiment plaisant, là. Ben, merci pour le show, puis comme pour vrai, là, je sais pas, ça fait faire ça une dizaine d'années, je pense, que je vous écoute. Wow. Je suivais avant même que Rétro Nouveau soit un podcast officiel, là. Ah ouais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on faisait, donc... J'avais un blog? Ouais, c'est ça, t'avais un blog, t'avais comme dans le fond une feuille Excel accessible publiquement. Wow. Puis Bruno, il avait des affaires, une vraie vie de gamer, là, il trouvait des billets. Ah oui! Une vie de gamer! C'était longtemps, là, tu sais. Hey, c'est 7, genre. Des affaires que nous-mêmes, on avait oubliées, c'est incroyable. C'est JF qui avait programmé mon site aussi à l'époque quand c'était mon document Excel qui était disponible dans ma boutique, dans le fond, qui était un WordPress converti, là, mais en tout cas. Fait que, ouais. Ben écoute, mais merci énormément de nous suivre depuis tout ce temps-là, puis pour les encouragements. C'est très apprécié. Ben oui. Puis. Merci de ne pas lâcher, tu sais, des gros changements là, depuis la fin de Rétro Nouveau, là, mais je souhaite bien du succès dans votre nouvelle formule, là. Ben écoute, juste le fait de ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire avoir un genre de ligne ouverte, on dirait que ça nous trigger des idées pour le futur. On va peut-être essayer de faire de quoi avec ça. Là. T'auras peut-être contribué à une nouvelle, branche, une nouvelle niche. Pourquoi pas? Puis c'est de quoi que vous lancez, je vais essayer de rappeler. Eh bien, c'est parfait, ça. Hey, merci beaucoup pour tout ça, hein. Puis Monseigneur Neveu va sûrement écouter ça parce qu'il écoute toutes les choses, je pense. Il t'enverra une signature par la poste, là, au moins. La moindre des choses, là. Bon, ben, parfait. Hey, bonne soirée, boys. Merci beaucoup. Hey, merci à toi. Salut. Bye. Wow. Quel grand moment de podcasting, comme on dit. On a envie dessus des choses. Hey, c'était fou. Tout le monde nous félicite notre beau programme dans le chat en ce moment, là, on parle de grand tourisme. Là, puis, pour vrai, c'est quand même très hot, là, ça. Là. Ah ouais, c'est vraiment hot, pour vrai. De quand les gens font ça, parce qu'il y en a d'autres aussi. Il n'est pas le premier, Alex, à nous avoir envoyé des photos des gens qui... Je suis allé vers le Cher. Il y en a de temps en temps qui passent par là. Alors ça, c'est très, très cool. Puis comme je disais, on en a parlé tantôt. Moi et JF, ça nous a comme donné le goût d'en faire des lignes ouvertes. Ben toi, t'avais déjà lancé l'idée. Ça fait longtemps que je pense faire un segment de lignes ouvertes ou pouvoir avoir les calls du monde pour la soirée du podcast parce que le hockey, ça soulève les passions puis ça peut donner des très bons moments de radio, de podcasting. Ben oui, puis ça fait ses preuves, la radio war puis le hockey. Là, c'est ça avec, c'est golden. Fait que c'est ce que je regarde. Fait que là, t'sais, intégrer ça dans celui-là aussi. Là, ben moi, c'est ce même avec la vidéo, voir le monde nous voit, il y a des... C'est ce que je regarde, là, fait qu'on va passer à ce prochain niveau-là bientôt. Là. Exact, exact. C'est de la tech à voir, là, mais pour vrai, puis moi, j'aimerais, Puis je serais zéro gêné là, de faire de sans filet, là, tu sais, comme quelqu'un veut nous appeler qui m'envoie chier live. J'ai aucun problème avec ça. Je trouverais ça très drôle. Puis tu sais, on peut avoir, ben, vous pouvez avoir des questions pour nous. On peut avoir des questions pour les gens aussi. Et puis, j'ai trouvé un genre de système de liste d'attente de gens qui veulent embarquer un après l'autre pour les rentrer un après l'autre, puis les rentrer un après l'autre. Ben oui, c'est ça. Rentrer les gens un après l'autre. Tau, tau, tau. Tau, tau, tau. Sec. On a bien des idées là, ouais, par rapport à ça. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que ça. En tout cas, ça. On va voir ce que ça va faire. Puis, puis voilà, ça fait que merci à tous. Ah, puis pour venir et pour en finir avec le Garden Party. Oui. Donc là, tu as beaucoup d'heures de footage, GF. Et puis moi, j'ai eu un petit pépin, puis il a fallu que je quitte le show, le tournage, genre sur l'heure du souper. Là, t'sais. Fait que j'ai raté les burgers. Puis, puis on n'a pas de conclusion présentement. Fait que ça se peut qu'on filme une conclusion dehors tantôt juste pour boucler la boucle là, sur le vidéo. Là. Exact. Ça finisse pas weird. Exact. Parce que ça va finir weird anyway, mais on, tantôt, après le show, là, on va peut-être se faire une petite conclusion pour essayer de colmater ça proprement. Ça, j'ai fait plein de ménages dans le footage. J'ai tout regardé, on a plein de beaux stocks. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça du tout. J'ai pas de plan exact. Vraiment. Fait que on va monter un show avec ça. Là. Ouais, mais c'est beaucoup de travail pour toi. C'est une grosse discussion de 2 heures aussi à peu près qu'on a là, dans le gazebo avec nos invités. Fait que ça va surtout être ça le show. Exact. Entrecoupé de moments cocasses. Dans la piscine. Puis il y a du gameplay que vous avez fait aussi en bas sur le couch. Ouais, et puis, il était tard. Là, il était tard. Moi, j'étais pas là. Puis je sais pas ce que ça donnerait en audio. Je suis pas tout à fait convaincu je sais pas que ça donnerait du bon stock. Ça se peut qu'on le garde de notre côté et qu'il ne soit pas diffusé. Peut-être que je vais en prendre une partie. Je le sais pas. On le mettra sur notre DVD. Là, en un bonus. En bonus. Quelque chose de même. Fait que c'est ça, Jeff, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de montage, la fin, c'est ça, j'ai eu un petit pépin, fait que ça peut faire bizarre. Mais il a fallu cool que je quitte, c'est... mais j'ai hâte de monter ça, on a quand même des belles shots là, d'ouverture, puis tout ça, là, c'est... Oui, il y a des belles shots, puis ben ça nous fait aussi une pratique pour une autre fois. La prochaine fois, il fallait le faire une fois, savoir, fallait se planter un peu, savoir comment le fera mieux la prochaine fois, là. Puis je sais qu'on a déjà mentionné un party de Patreon, puis on va dire les Patreon, puis tout ça. Puis même, on a considéré aussi nos amis, on invite plus de monde pour le party. Puis avec la technique... Ouais, il y avait du monde très déçu sur Discord qu'on les invite pas, là. Exact, on pouvait pas... Ça aurait été trop de gestion, pour vrai. Ben, même avec du monde qu'on n'aurait pas eu besoin de gérer, même avec du monde, il y aurait eu de la gestion. Il y avait de la gestion au point, tout seul. Tu sais, j'étais dehors avec la technique, on n'avait pas d'écouteurs, je regardais pas vraiment ce qu'on faisait, fait que c'était difficile. Puis là, il faut souper... D'avoir du monde après ça chez nous que je connais pas tant non plus, qui fouille dans ma maison, pas tant à l'aise, là, mettons, là, de pas surveiller du monde que je connais pas, là. Absolument. Même si je trace presque tout le monde à part Antoine, là. Ouais, non, lui, oui. Il se casse le bras tout le temps, là. Il voudrait te voler de quoi, puis son bras casserait. Il irait probablement mettre un nœud dans mon sol pour que je me pende, parce que temps, je me pende à chaque semaine sur Discord. C'est très drôle pour lui. Il est tough. Ah, c'est une relation difficile, là. Mais cela dit, on n'est pas fermé à ça, par contre, puis on réfléchissait peut-être plutôt à une soirée avec les Patreons à l'arcade, ouais, mais quelque ça, chose de quelque même. Quelque chose là. Qui ferait plus de sens, là. De quoi, de comme donner ça, des là, petits goodies, de public, puis de payer des petits shooters à tout le monde, puis... Pas nécessairement faire un show live non plus, juste animer, là, mais pas faire un ben, show. Ben, ça serait-tu un show? Il n'y aurait même pas de show. Non, on ferait un get-together. On parlera au micro un peu en avant, on dirait des niaiseries, genre, on dirait salut, puis la titre, là. Exact, quelque chose de même, là. Rien que pour boire de la bière et jaser, là. Parce qu'il faut faire aussi l'épisode de fin d'année qu'on va mettre nos pyjamas à pattes. Oui, c'est vrai, ça va nous prendre des pyjamas à pattes. On devrait. Il va-tu nous rester encore de la Belmont, du vin d'orge, on ouvre-tu le Porto? Ce qu'il faudrait s'acheter, là, c'est des pyjamas à pattes qui matchent depuis moi, là, tu sais, comme rouge et noir carotté, là. Comme de vieux temps de bois. On a le même pyjama les deux, là. On pourrait imagine faire le ça. Reach qu'on aurait avec ça, là. Ah ouais. On aurait chaud aussi. Ça, écoute. Le Porto, peut-être, je sais pas. À décider, à voir. Bien des belles idées. C'est ça. On préfère un grand panier de Noël comme Talbot. Le bon Noël. Le bon Noël, le papa cassette. Mais c'est juste des guitares de Rock Band Defect. Des consoles Defect, des Mario Duck Hunt. Des Q-tip, des canettes vides. Il y a Gawet qui dit qu'il peut fournir un feu pour le party. On se reparle. Tabardac. Hey, tu vois, on fait juste dire des affaires puis les choses se passent. Tout on est rendu là. Tout se connecte, man. C'est beau. C'est fou. Mais merci d'être venu chez nous pour le Garden Party. C'est très fun. Écoute, là, pour vrai. Merci à toi, JF. On a ri en masse, c'était cool. C'est là, toi qui fais la grosse job là-dedans. De 9h à 1h, j'ai tellement couru pour genre faire l'épicerie, tout préparer, puis genre J'avais roulé mes boulettes de Smash Burger et je les avais pesées là, pour avoir des 80 grammes, 20 ah, ben ouais, pesées. Mes wings, c'est tout prêt. Là, mais je, là, ça roule puis non, ouais, on se baigne. On a été servi comme dans un restaurant princier. J'espère puis, que je vous ai bien servi puis j'ai bien nourri tout le monde parce que le soir, j'étais comme « Hey, je vais aller manger mon dernier beigne qui me restait » puis « Quelqu'un a mangé mon beigne sur mon comptoir! » C'est pas moi! C'est-tu une geekette? Juste, ah, probablement, ça brise l'équipement tout le temps puis partout ça passe, ça brise des choses. Là, fait... Ça, c'est drôle. Mais ouais, ça, puis là, le lendemain, j'étais comme « Hey, on a vidé l'eau de la piscine, on, à force de sauter sur le tremplin, ça a baissé, faut que je remette de l'eau. » Là, j'ai remis de l'eau. Puis là, le lendemain le matin, je me suis relevé et puis l'eau avait redescendu. Puis là, j'étais comme « Tabarnak, qu'est-ce qui se passe? » Ouais. Je suis probablement que mon on n'a pas bu tant que ça en non, se baignant. Je me dis probablement que genre, mon chauffe-piscine coule encore. Là. M'a le fermé. Puis là, j'ai passé la nuit puis je suis revenu. Puis l'eau avait encore descendu. Fait que j'ai rappelé mon piscinier aujourd'hui. Fait que j'ai un autre problème de piscine. Je dois avoir un tuyau dentaire qui est pété, ah, qui coule. Puis, quand il y a eu le gros déluge d'eau, là, après moi, ça... Ah ouais, ça l'a fait forcer. Il y a quelque chose qui a forcé, je pense. Puis c'est des vieux tuyaux de 15 ans. Là, fait que... Mais c'est tout dentaire, c'est une piscine creusée, fait que je peux pas voir où est-ce que ça coule. Là. Fait que là, faut qu'il y ait un gars qui vienne faire un test de pression, qui va me coûter genre 350$, qui va faire monter ma pression à moi. Oui. Puis là, il faudra qu'il, probablement qu'il creuse, qu'il... Défaire ton gazon, il avait comme coupé la dalle de ciment pour aller réparer un tuyau dedans, c'est de la merde, là. Fait que là, ma piscine se revide, là. Calisse, man. Je suis plus capable. Pour vrai, là, ça va me prendre un genre de saga de piscine. Cette année, là, ça va déjà... Tout va avoir été changé au complet, là. Jusqu'au tuyau dans bétonne-moi la terre. Bétonne-moi ça. Ben ouais. Mais non, on a eu du plaisir dans la piscine. C'est pas... vrai, par contre. Faites des backflips comme si j'avais 20 ans. Puis... Ah ouais, pour vrai, j'avais... Ça a été très difficile d'arrêter de se baigner pour retourner faire le show. Là. J'en avais envie juste de rester là et de se baigner. C'était vraiment plaisant. Parce que j'ai laissé mon filtreur sur backwash. Ah, c'est ça. Je reviens. Appelle ton voisin. C'est ça. Ah boy. Ouais. Puis sinon, moi de mon côté, je suis revenu de... En fait, Ça s'assassine dans le chat sur qui a mangé le beigne. Ouais, c'est ça. Hein, c'est... J'étais très déçu. Parce qu'on a deux on a deux potentiels coupables dans le chat, en Montréalien puis Mega Exhort, qui ont peut-être mangé le beigne. Peut-être moi aussi, puis je m'en rappelle pas. Peut-être. Peut-être c'est le chat. T'as un chat aussi, là. Si le chat avait ouvert le petit contenant de plastique, là... OK, il était dans un contenant de plastique. Ouais. Il était même pas comme dans une assiette sur mais le non, comptoir. Il était hyper tentant. Il y a un affaire de GGA que t'achètes, qu'il y en a 6 dedans, là, que t'ouvres là, en plastique. Là. Ouais, ouais, ouais. C'était ça, là. Ah, ouais. Ah, Kevin a mangé ouais, des pains. Kevin a mangé un pain avant de partir. Fait que t'étais pogné avec des boulettes, pas de pain. Ah, ils ont fini dans le compost. Eric, il dit qu'il s'il l'avait vu, il l'aurait mangé. Ah, bien sûr. Ce sera un autre mystère de ma vie, là, qui aura mangé mon beigne. Voilà. On prendra de l'argent de Patreon pour t'en racheter un autre. Ben oui. Puis sinon, c'est ça. Moi, je suis parti en vacances. Puis, man, on a vécu une attaque. On s'est fait attaquer dans Meta. Dans Meta? Ouais. On a subi une attaque informatique dans notre compte Google Meta Ads. De RetroMTN. OK, OK. C'est fou, là. Wow, OK. Comme il y a des bandits qui se sont incrustés. Puis que là, tu sais comment ça marche, ça, les pubs, c'est comme Google, là, tu payes, tu dis on avait déjà eu mois. Ça pour Rétro Nouveau, j'avais été facturé 350$ de pubs qu'on n'avait pas faites, là. C'est ça, mais t'as des thresholds, là, tu sais, puis des limites à ça. Puis, t'as des limites à ça. Puis, bref, les bandits se sont installés, puis ils ont dit, bon, ben, on va mettre cette pub-là pour 14 000$. Puis là, le cash a commencé à sortir, là, tu sais. Fait que, man, c'était l'enfer. Fait que, il a fallu arrêter ça, enlever nos modes de paiement. Ah, c'est de la merde, ça, là. Excuse, j'ai regardé une notification, et puis tout, puis notre agence de marketing qui nous aidait avec ça, puis, man. Puis, on a réussi à stopper ça. Puis j'ai cancellé la carte de crédit. Ouais. J'ai tout fait. Puis là, les bandits ont installé d'autres modes de paiement eux-mêmes. Ils ont installé 4 Mastercard dans notre compte. Ils ont vraiment volé. Ben oui, parce qu'ils ont tous pas marché, là, tu sais. Puis la pub, c'était weird, là. Ils ont comme mis une pub. C'est une espèce de vidéo. Comme si ta mère, elle se filmait en train de se mettre de la crème dans la face. C'est comme une madame, tu sais. Okay. Est-ce que c'était fucké? Fait que je comprends rien de tout ça. Wow. Puis pourquoi, de quoi, man? Puis ça a été un bordel. C'était vendredi après-midi avec un je m'en aille. Puis là, fun avant de partir en vacances, ça. Ben oui, man. On était supposé chiller. Puis je me suis dit, je vais faire du TikTok, puis tout. Puis on était ça panique l'après-midi. Puis le lendemain, ou pas longtemps après, je quittais. J'allais en vacances. On surveillait ça du coin de l'œil. Puis là, quand je suis allé à Tremblant, puis là, quand je suis revenu de Tremblant dans le char, oh my god, fuck, il y a un autre paiement qui est parti, puis je me mets à recevoir des emails de Meta, puis là, tabarnak, man. Hey, j'étais pas reposé. Puis c'est vraiment de la merde, Meta. Oui. Comme. Oh oui. D'un, le service, là. Le service, comment c'est codé, c'est tout croche. Ah ouais, c'est l'interface, c'est tout croche, le service. C'est les plus grandes business du monde, est tout c'est croche. Autant de la merde, là, c'est ça. Ah ouais. Le gars ouais qui dit oui. Tout le monde se fait hacker. Le commun des mortels se fait hacker. Tu dis, hey, Chris, je suis là-dessus depuis que ça existe. Il n'y a pas Eric qui perd son compte à un moment donné. Ouais, aussi, ouais, là, c'est ça. Puis le monde, ils perdent leur compte drette de même. Là, c'est vraiment ceux de la. C'est vraiment de la merde. Là. Au moins, ils ont bien fait. Ils ont splitté ça du Quest. Là, fait qu'on n'était plus pogné avec. Genre, bon, t'as quand même Meta, on n'est pas dans Facebook, en fait. Là, mais c'est tout de la merde pareil. Ah ouais, non, c'est tout de la merde. T'sais, puis moi, j'ai. Eric, ouais, Eric a tout perdu, c'est clair. Puis même l'interface, tu sais, t'essayes de gérer tes affaires, c'est incompréhensible. Tu sais, c'est pas user friendly. Ah, là. Non, j'aimerais pas ça voir comment c'est codé en arrière. En fait, j'aimerais ça voir comment c'est codé en arrière. J'aimerais ça voir le dégât en arrière de ça. Non, c'est vraiment pas cool. Fait que, mais on a réussi à s'en sortir. Là, puis tout ça a été stallé pendant les restants de mes vacances. Puis là, cette semaine, on essaie de se remettre à ça. Ça va achever. Mais ça m'a fucké, puis ça me pousse à vouloir m'en aller de Facebook. Mais en même temps, on regarde. Mais c'est le média social où est-ce qu'il y a le plus de monde sur la Terre encore, c'est pareil. Ça, puis notre crowd est quand même là, mais moi je suis full TikTok, là. Je crois à ça pour la vente. Pas pour faire de la pour reach, pour le reach, puis la renommée de la business. Mais faut être actif, puis ça, on n'y arrivera pas tout de suite. Mais non, faut être sur Meta pareil, là, je pense que c'est un mal c'est un mal nécessaire. Ouais, encore, le hacking de carte de crédit, c'est de la merde, par exemple. Là, ça. Ouais, ça, c'est weird. Fait qu'en tout cas, ça, c'est une bad luck, mais sinon... Tremblant, t'as toujours au mini-pot à 48$ pour deux oui, personnes? Oui, man! C'est cher! J'avais été à Tremblant, j'étais comme, hey, mini-pot, moi, y aller, je regarde, comme c'est genre 20$ une partie de ça. Je dis, non, pas ce prix-là, là. Ben, moi, j'ai joué toute la famille, là. Ben, ça a coûté genre 90$. C'est supposé pas coûter rien, jouer au mini-pot, là. Ah non, c'est ça. Puis ouais. C'est pas comme si j'étais entretenu, là. Tous les départs étaient décollissés. Dans mon temps, ça, au Cascade Golf à la Prairie, on jouait deux personnes pour une game puis une crème glacée pour 10$. C'est clair. Mais pour vrai, puis, tu sais, on est allé là parce que ma blonde n'était jamais allée. Puis on avait un plan A, mais finalement, ça n'a pas marché. C'est vraiment, vraiment dans les bad luck, c'est dans ça. Mini-pot avec des bâtons en or. Ça, c'est le rigolfeur. Ah ouais, puis fait que finalement, on s'est dit, on va aller là, et jamais aller. Puis moi, j'étais allé là, ça fait fucking 10 ans, là, tu sais, même plus longtemps que ça. Puis ça va être drôle. Puis les enfants, ils étaient quand même d'accord. Fait qu'on en tout cas, on embarque, on y va. Puis man, ça n'a pas changé, ils n'ont pas rénové. Est-ce que c'est un trou à touristes, pareil? Tous les restaurants, là, même s'ils s'appellent. Le feu, tu sais, puis l'autre c'est le Mexique, puis l'autre c'est le Steakhouse, puis là l'autre c'est le Grand Club. Ils ont tous le même calice de menu. juste des burgers, puis des poutines, puis des salades. Parce qu'il y a des poutines partout. Là, ah ouais. Mais c'est tous les burgers, là. Ouais. Le burger frites, ok. C'était la mode. C'est toute la même affaire avec une petite variante, là. Le burger qui a une rondelle d'oignon dedans. Exact. Ouh! Des champignons portobello. Ouh! Pis là, tout ça, man, c'est cher que le Christ, là. Ah oui, là. C'était Tremblant, c'est à Tremblant, tout est dégueulassement cher, là, tu sais. Fait que, en tout cas, mais on avait une belle chambre, puis on était pas loin de tout. Même la piscine, il y avait du treillis métallique tout autour, tu sais. Puis sur dans le village de Tremblant, tu vois qu'il y a plein de spots, c'est supposé être des fontaines. Dur, c'est beau, il n'y a pas d'eau. C'est beau, mais ça fait dur, là. Mais c'est pas entretenu, tu sais. C'est pas délabré, mais c'est pas ces dates, là, tu sais. Ouais, mais c'est vrai, c'est un trou à touristes. Hein. Ah, vraiment. Puis, je vois aucune raison de retourner là pour le restant de mes jours, pour vrai. Là. T'sais, oui, c'est joli, tout ça, mais c'était un peu catène. J'avais été l'année passée, j'avais fait le genre de bobsleigh qui descend la montagne, là, un genre petit kart qui va super vite. Là. Et c'est dangereux, ça. Il y a ça en Beauce. Ça vient d'ouvrir. Ah ouais? Ouais. C'est ça qu'ils appellent du bobsleigh, mais en montagne, genre. On salue ta famille. D'ailleurs, ben, qui est plus en Beauce. Non, ma belle famille. C'est ça. C'est tous ces gens-là qui nous écoutent. Exact. Mais j'ai vu ça dans Chaudière-Appalaches. Ah, ouais, là. Wow. Fait que c'est ça, c'est un rail que t'embarques dans un petit kart. Ah, oh, c'est un rail. Non, non, mais le rail. Non, à travers, c'est pas un rail, là. C'est genre, ça descend à côte, puis t'es freestyle, là. OK, tu conduis dans le côte. Tu conduis, puis tu breaks toi-même, là. Ah, OK, non, non, puis c'est pas de ça que je parle. Tu peux te laisser aller, puis ça va vite en crise. OK, non, je parle pas de ça du tout. Ouais, mais je sais que de quoi tu parles, c'est hot, ça. Ouais, c'est ça, c'est un rail qui sillonne une montagne, puis tu descends. Tu vois ça dans les Alpes, souvent, dans les vidéos sur TikTok, justement, là, du monde qui descend dans des genres de ravins vraiment vite, mais ah, ouais. Ouais, il y a ça, fait que je vais checker ça, ça a l'air intéressant. Mais ouais, puis sinon, ben on est allé à la campagne, on est allé à Saint-Côme en fait, dans un chalet qu'on était allé il y a 2 ans. Pas Saint-Côme en Beauce, Saint-Côme dans Lanaudière. Lanaudière, ouais. On va tout le temps à Lanaudière finalement pour nos chalets. Fait que ça a été du lac pendant tout ce temps-là. On est allé à la terre des bisons. Terre des bisons. Parce que nous les hommes, on est allé avec deux couples d'amis, puis nous les hommes, il fallait qu'on fasse un repas un soir là, spécial. De bisons. Là. Fait qu'on s'est dit, on va aller à la terre des bisons, aller visiter ça, tu sais, puis on va acheter du bison. Fait qu'on a mangé du bison. Ça, t'aimerais ça? C'est bon, du bison. En tant que grand chef. J'ai mangé souvent du bison. Dans l'Ouest, je mangeais du bison. Des burgers de bison souvent. C'est ah très, ouais, très hein? Bon. Ah ouais, c'est bon. C'était épais, c'était juteux, là. C'était plaisant. C'est très juteux. C'est une grosse bête, un bison. C'est très gros. Puis du wapiti aussi. Ça, c'est bon aussi. Puis je dois dire que j'ai été plus apprécié, plus étonné d'être devant un wapiti. Qu'un bison, là. Tu sais, c'est quoi le wapiti? Oh, ouais. Après l'orignal, c'est le deuxième plus gros cervidé. C'est un cervidé? Ma mère, me semble, quand j'étais plus jeune, elle prenait des capsules, genre, tu sais, d'Adrien Gagnon, là, genre de ouais. Poil de wapiti. Du poil de wapiti. Sacrament, man. Ah, oh, man. Puis, c'est le wapiti, c'est comme, c'est gros, là, le panache, puis tout. Oh, ouais, tabarnak. Mais c'est ça, c'est de la viande de chevreuil, là, rouge, puis mince, puis raide, puis saignante, là, tu sais. De la viande sauvage. Ça, j'aimais un peu moins ça, quand même. Côte levée de bison, ça doit être immense, ça, là. Ah ouais, puis il y avait des tomahawks de bison, man, puis tout, c'était fourette. Puis je suis allé à la microbrasserie, le Très Carré, qui est pas dans Saint-Côme, qui est dans un autre village autour, j'ai oublié. Puis, pour vrai, la bière, la blanche au mélèze, man, c'était bon, là, quelle excellente bière, là, j'adorais ça. Puis la bouffe était vraiment sa coche. Des burgers, des poutines. Ben oui, mais il y avait d'autres... C'est vraiment ça. Moi, j'ai mangé un burger poutine. Il y avait le mac and cheese puis des bonnes salades aussi. Puis, tu sais, mais c'est ça que le monde veut, des burgers et des poutines. Ouais, puis ça coûte pas cher à faire puis ça doit être une grosse marge de profit là-dessus. Là. Absolument. Mais pour vrai, il y avait d'autres affaires aussi. Puis tout le monde, il y avait de tout ça à table. Puis chapeau aux gens de Très Carré. J'ai essayé plusieurs bières. Et puis, celle que je retiens vraiment, la blanche de malaise, là, que j'ai trouvé incroyable. J'ai essayé leur saison aussi. J'ai essayé leur IP américaine. Que j'aime un petit peu moins, personnellement. Mais la blanche, c'était mon gros coup de cœur. Alors voilà, bravo. Grosse job. C'était bien bon. Puis j'ai pas acheté de cassette, man. J'ai rien. T'as rien trouvé ou t'es pas allé du tout? J'ai pas. Ben, il y avait rien dans ce coin-là. Là, t'sais, mais non, j'ai rien acheté pendant mes 2 semaines de vacances. Aucune acquisition. Donc, il y aura pas de collection ce soir? Non. Malheureusement. Exact. Pas de collection du tout. Par contre, je veux juste finir avec une dernière affaire. Et puis, en fin de semaine prochaine, le 24 et 25 août, ici au Parc olympique, direct à côté, c'est NoFX débarque. Yeah. Ils sont en tournée depuis un bon bout de temps. Et puis, là, c'est la tournée finale. Donc, NoFX arrête. Ils ont quel âge? Ils sont vieux. Ils doivent être vieux. Un peu plus vieux que nous autres, là, 50 ans. Ouais. Là, genre. Quand même. Puis, il arrête jusqu'à ce qu'il recommence, bien sûr. Là. La prochaine tournée d'adieu. Exact. Le comeback tour, le revival. Ça donne à rien de faire. Faites jamais de tournée d'adieu, genre de la musique, parce que vous venez tout le temps anyway, il y a de la besoin d'argent. C'est comme les podcasts. Dites pas que ça arrête. C'est jamais fini. Là. C'est jamais fini. C'est ça. Faut jamais le dire. Fait que c'est ça. Puis, pour l'occasion, ben, premièrement, le 23, chez Arcade MTL, il va y avoir une soirée punk rock, là, où est-ce qu'on met des vidéos de skate, de la musique de skate, et puis des jeux de skate sur c'est place. Hot, ça va être super le fun. Fait que skate gros party. Or die. C'est juste skate. Tony Hawk, California Games, mais le skate. Juste le skate. Barré sur le skate. Il y a des X, les autres. C'est ça. On va avoir plein d'affaires. Puis, mais la grosse affaire, puis j'en parle parce que je peux, et puis ça aurait déjà supposé être annoncé, à mon avis. Sinon, c'est une primeur. Ici, chez Retro MTL, on va accueillir le pop-up shop de NoFX. Ça, c'est malade. Ça, c'est malade. Donc, à chaque fois que NoFX est on tour, ils vendent de la merch, mais ils vendent pas de la merch sur place. Ben, ils doivent. Ah, ben, c'est bien populaire, les pop-up shops. Il y en a pour la lutte, tu sais, à chaque fois qu'ils vont quelque part, là, il y a un pop-up shop de caché dans les gros événements. Là. Ah, c'est ça, hein. Ben, mon ami Mallette avait été voir le Money in the Bank à Toronto, puis il a trouvé le pop-up shop était où, là. Fait que c'est ça, c'est bien cool, ça. Ah, c'est beau concept, là. C'est un très beau concept. Puis nous autres, on a de la place en masse ici chez Retro MTL. Fait qu'on va accueillir celui de NoFX, man. Wow. Et puis les deux autres pop-up shops qu'il y a eu, à ce qu'on m'a dit, c'est à Tokyo puis à New York. Fait que c'est vraiment un fucking honneur là, d'être capable d'avoir ça. Fait que là, en tout cas, on attend les derniers détails, mais tout est pas mal enligné. J'attends qu'il m'envoie du visuel pour le créer puis le mettre en ligne. Mais ça va se faire. Puis ça va être jeudi, vendredi et samedi. Donc de 10 à 8, wow. Jeudi, vendredi. Et samedi de 10 à genre 2 heures à peu près. Puis les portes ouvrent au show à midi. Puis okay. On est drette à côté du show ici. De là, là ouais, des... c'est une rue, là. Genre, ah, c'est drette à côté. Un coin de rue, en fait. Là. Fait que c'est l'un des facteurs qui rendait ça intéressant pour eux autres. Et puis, pourquoi est-ce qu'on NoFX vient ici? D'un, je sais, on ne sait pas non plus si les gars du band vont venir. Ouais, ouais. T'sais, on n'a pas de promesse de rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le stock arrive. Ils sont cool. Puis tout gamers, le monde s'occupe de tout. Ben, peut-être. T'sais, on l'espère. S'ils viennent, ils sont allés aux autres. Fait que j'espère qu'ils vont venir ici. Mais t'sais, c'est des punk rockers. Hein? Peut-être qu'ils vont être battés et qu'ils ne viendront pas. Là, t'sais, on ne le sait pas. Mais qu'ils viennent ou pas, ça va être très cool. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non. Je m'en rappelle plus. Mais c'est ça. Nous autres, on gère rien. Comme ils font leurs affaires, ils ont leur caisse, ils ont leur setup. Et puis, ouais, c'est ça. Ce que je disais, c'est que pourquoi est-ce qu'on réussit à avoir des affaires de même? C'est parce que ici au Québec, il y a Punk Rock Radio. OK. C'est ça? Oh my God. Québec. Québec. Oh my God. Je suis désolé. Okay, j'ai oublié le nom. Qu'est-ce que tu cherches, un show de radio? Ouais, pas tape Québec, Punk Rock Radio Québec, mettons. J'ai oublié le nom exact. C'est la Mario Paint qui me monte à la tête. C'est quoi là? Prescription Punk Rock. Non, punk Rock Radio.ca. C'est ça. Punk détente. Clique sur Punk Rock Radio.ca. Ça, c'est le Facebook, par contre. Ah, faut être mort. Ouais, c'est ça. Donc, Punk Rock Radio.ca. Excusez-moi. Il y a une personne là-dedans, dont le membre fondateur, qui ça donne qui aime les jeux vidéo et puis qui a connu mon collègue Jonathan Millette dans un CCJVQ, whatever, qui est très... Ah, ben tout le monde, voilà, c'est ouais, très cool, ça. Ouais. Donc, ces gens-là aiment les jeux vidéo rétro. Et puis, mon collègue Jonathan a pris contact avec ce gars-là. Puis, ce gars-là, il connaît bien du monde dans game, dont le gérant de NoFX. Ah, c'est hot, ça. Il connaît très bien. Fait que c'est comme ça qu'il nous a plugué. Fait que moi, ce que je veux dire avec ça, c'est vois-tu comment c'est beau les jeux vidéo? Ben oui. Que ce soit Lewis Hamilton, NoFX, les Denis Drolet ou fucking fille de Game of Thrones, les gens aiment les jeux vidéo. Et puis. C'est assez universel. Ils vont à des places où il y en a, tu sais. Ou que c'est quoi, ou c'est cool de voir des jeux. Ah, c'est hot pour vrai. Ben ouais, c'est vraiment hot. Puis, Tony Biz qui dit qu'ils ont une app punkrockradio.ca. Puis qu'il adore oui, ça. C'est big, là. C'est pas une binerie, ça, là. C'est la vraie. Binerie. C'est une très belle radio. C'est très cool. Puis ils sont présents. Puis ils vont être là samedi aussi. Ils vont broadcaster ici samedi. Nice. Fait que c'est du bien bon monde. Puis toutes les dots se connectent. Et puis c'est toute l'idée, ça, de Jonathan Miette. Notre collègue ici, fait qu'il fait. Il est bien excité, là, tu sais. Comme Chris lui, capote. FX, c'est hot, là, Chris, c'est huge, là. C'est vraiment huge. Fait que, tu vois, on fait les investissements pour avoir une belle grosse place propre, tu sais, comme ici. Puis c'est grâce à ça qu'on est capable d'avoir ça, tu sais. Ben ça, oui. ça vaut la peine. Quand tu fais des moves, ça apporte d'autres moves, puis c'est les autres qui sait, tu sais. Qui sait, on va peut-être se mettre amis avec du monde là, qui vont. On sait pas, tu sais. Fait qu'il se passe des affaires. Fait que tout ça est très intéressant. C'est pour ça qu'il faut faire des moves dans le ouais. NoFX, la vers le cher, les gros dossiers. Les gros dossiers sales, les piscines pétées. Ah, sacré. Fait que ça serait tout pour moi. En fait, toi, t'avais-tu autre chose? Non. Non. C'est tout. Ben, c'est parfait. Je suis très occupé au travail. Un job qui me demande beaucoup de mon mental. Fait que je finis brûler mes journées. Fait que j'ai rien à dire vraiment autre. Je peux-tu dire c'est quoi la job? Ben, je suis encore chez Deloitte. J'ai un rôle de lead technique. Je suis supposé de gérer des équipes de programmeurs genre en Inde, à Montréal, à Vancouver, sur un projet que je me suis fait garrocher parce que l'architecte qui était dessus est tombé en maladie pour plusieurs mois. Ouais. Fait que là, je suis comme dans un train en mouvement d'un projet immense. Je suis comme, wow, shit, là. Fait que ça prend bien de ma tête puis bien de mes skills que j'ai pas encore de gestion de personnel. C'est pas moi, ça. Fait que faut que je fasse ça, là. Oh my God. Tu vas te ramasser à faire que ça, en fait. Probablement. Kevin me disait justement au Garden Party, t'es-tu rendu au bout de ce que tu codes plus puis tu as juste géré de la stimulation? Je fais, ouais, c'est pas mal là. Je pense que Kev est rendu pas mal là. C'est l'évolution logique, c'est ça, là. Fait que mon beau-frère aussi, tu sais. C'est un ingénieur informatique puis tu sais, à un moment donné, tu pognes le level où est-ce que tu fais juste gérer du monde, là. des gros, gros projets là, de plusieurs millions, ben du monde impliqué. Fait que là, je suis comme, OK. Cette semaine, j'ai eu une première à job, par exemple. J'ai, pour la première fois de ma vie, j'ai regardé du code de quelqu'un qui buguait, puis j'ai fait ceci de la merde, puis j'ai tout recodé le projet au complet en une journée. Là. OK. D'un projet qui avait pris 100 heures à coder. Pour vrai? Ouais. J'ai fait comme, c'est pas acceptable comme qualité, on livre pas ça. Voilà. My God. Ouais, c'est ça. Fait que c'était pas une job facile. Mesdames à la maison, cet homme est célibataire. Tu travailles aussi. Il vaut son pesant d'or. Oui. La caisse de dépôt. Ouais. Non, c'est ça. C'est, non, CDC, c'est quoi, non? C'est Deloitte Canadian, je sais pas quoi, là, je pense. Là. Je travaille à Deloitte Digital à Montréal. OK, OK. Dans les gros dossiers de loi. Des gros dossiers, puis des gros bureaux chers, ça, avec des tables en vitre. Ah ouais, des conférences sur Teams, que t'as du monde qui sont dans une salle de conférence, comme super loin de la caméra, puis ça s'obstine, t'es comme, j'entends rien, là, c'est quoi ça? Ah, dire que toi, t'es dans un sol. Dans glitte la journée, moi, dans le sol chez nous, je regarde les arcades du coin de l'œil. Dans le sous-sol, les arcades, les os d'ailes de poulet à moitié grugées à côté. Le chandail qui sent la fumée de charbon. Little Mermaid, la petite sirène au Ness dans le coin. Ah, Delivery Center, ben, quelqu'un qui dit qu'il a sacré son rien de là récemment. Cool, j'avais des collègues probablement que je savais pas qui nous écoutaient. Ah, ben ouais. C'est gros de loin, c'est pas juste genre Salesforce que je fais, là, c'est d'autres technologies aussi, là. C'est Adobe, Microsoft, tout ça. Il y a toutes sortes de secteurs. Là. OK, OK. Ah, ben, je connais. Ben, le Beauceron, c'est Jérôme de la Beauce. Ah, voilà. Donc, voilà. Mais ouais, c'est une sacrée job, là. Ouais. C'est ça. C'était pas l'évolution que je pensais que je m'en allais dans ma carrière, mais c'est vrai que c'est là que je m'en vais. Ben, là, t'aimes-tu ça? Ben, je sais pas, je viens de commencer. C'est un autre défi, là. C'est... Okay. Mais tout ce que tu faisais, là, ils ont dit, c'est beau, Jeff. Mais j'en faisais déjà plus, tu sais. Ils m'ont sorti de développeur, là, en fait, comme. Ily, il a dit, j'ai besoin des architectes, veux-tu venir avec nous autres, puis comme. Faire les architectures de ce que les devs vont faire. Puis je suis comme, ben oui. Puis là, c'est rendu de la gestion. Je suis monté lead à un moment donné. Fait que là, je suis rendu genre manager. Là. Fait que faut que je manage du monde selon mon nouveau poste. Là. OK. Fait que là, je suis dans exactement ce que je suis supposé de faire. C'est très nouveau. OK, OK. J'aime ça. Je sais pas. J'aime ça être hands-on sur ces affaires puis coder, là, mais... Ouais. Si la paye vient avec, qu'est-ce que tu veux, là? Ben, si la paye vient... Maintenant, là, c'est... C'était ma prochaine question. La c'est paye, pour ça aussi que je fais ça, tu sais, les podcasts, c'est plus ça que j'aime que de faire de la programmation puis de l'architecture dans la vie. Hein. C'est ouais. Faire du média que j'ai pas réussi à faire, ben, je vais dire professionnellement. C'est professionnel, ici. On boit de la bière et on est payé. C'est professionnel, si on ça. Parle de la verlochère puis on boit de la ben bière. Ouais, on a des appels live, puis tout, là. C'est débile. Ah ouais, hein? Ben écoute, c'est un nouveau défi, disons. Là. Mettons que j'arrête de stagner puis je fais autre chose, mais je suis au bas de... T'es au bas de la prochaine grosse étape. C'est ça, là. Fait que je commence une nouvelle grosse étape, mais ça prend beaucoup de ma tête là, quand je travaille. Fait que, je comprends. T'sais, être programmeur dans mes souliers, puis comme je parle à personne de la semaine, j'ai un projet à livrer tout seul, assis de même, puis genre, c'est pas stressant. Là, j'ai eu 6h30 de meeting aujourd'hui, là. Je suis fatigué, là. Ah, je comprends. C'est pas habituel, puis ça va être ça la norme, ça a l'air, là. Donc voilà. Ben, bravo. Ouais. Ben, puis écoute... Merci. Ben non, mais Chris, t'as le talent, t'as le focus, t'as ce qu'il faut. J'ai juste pas là pour rien. J'ai pas la confiance. C'est la seule affaire. J'ai beaucoup de doutes sur les affaires que je fais à job parce que je suis tellement pas habitué. Ben, ça va venir, là. C'est tu ça. Commences, là. Qui débute, mais qui débite. Exact. Ça va venir tout seul. Salut ça, là. On s'en calisse de ça, là. Pas besoin d'avoir... Ils savent pas, eux autres, là. Ils savent pas que t'es pas mal mieux rodé qu'eux autres déjà. Merci, Jason. Bon, ben, c'est parfait, ça. Ben je vais espérer que tu continues de monter. J'aime ça avoir des amis riches, moi, parce qu'ils s'achètent des belles voitures. Puis j'ai ils ont plus des piscine, je passe ça dans mes rénovations de piscine. Genre, je lance ma paye dans l'eau direct, là. T'as pas le choix. Oh, je suis correct. Je suis pas riche, mais je suis pas pauvre non plus, là. Non, je pense pas que t'es pauvre, là. J'ai gagné ma vie, c'est ça va, là. C'est bien. Et on a le Patreon de 4$ de Young Media, toujours, pour couvrir les fins de mois. S'il y avait pas ça, ça serait pas pareil. Ah, je me tirerais, je pense, direct. Parlant de tirer, oui. ben peut-être, veux-tu faire ta critique en premier, ben oui, okay, vu que j'ai pas mal parlé, puis j'ai envie de boire. N'oublie pas que je suis posé boire 3 bières, puis là, ça fait déjà 45 minutes, je n'ai pas fini une. Ça va mal. C'est vrai. Ben Dom, je vais retourner dans les schmops cette semaine, parce que ça, c'est un créneau pour moi maintenant chez Papa Cassette. Puis c'est un truc que j'ai déjà parlé à Rétro Nouveau, mais que j'ai jamais critiqué vraiment. Je te parle ce soir du jeu Dimension Drive. Je suis content que t'en parles parce qu'il me semble qu'on a eu des copies physiques de ça chez Retro MTL. Ah, sérieux, c'est sorti sur Switch, il fait un moment donné aussi, là. Oui, donc, puis, pendant longtemps même, puis j'avais jamais réalisé, je m'étais jamais attardé à ce jeu-là, donc je ne savais même pas que c'était un schmop. J'avais joué dans le temps à la Switch, au début de la Switch, je pense que ça avait sorti dans ces eaux-là. Donc, développé par Too Awesome Studio et publié également par Too Awesome Studio, disponible sur fucking tout. Yes, donc, man. C'est partout, PlayStation, Xbox, Switch et PC. Donc, en fait, c'est un shmup à défilement vertical. Et la grosse twist, mais en fait, tu as parlé de l'histoire là-dedans. Là. Ah, parle-moi de l'histoire de ce shmup. Ben, je vais te parler de l'histoire de... C'est de, toujours tellement de bon. De cette compagnie-là aussi. OK. C'est une compagnie qui avait commencé du crowdfunding, fait qu'il était rendu comme de genre de ramasser des fonds pour bâtir un jeu, puis il était comme sur la limite d'atteindre leur goal, puis il allait pas l'avoir. Puis là, il y a un donateur qui a comme donné plein d'argent, qui ont réussi finalement. Ils se sont rendus compte que c'est un compte frauduleux, fait qu'ils ont perdu leur donation. C'est sur Meta, ça? Non. Ils ont relancé la campagne, finalement. Il y a eu du succès, donc voilà. Ça donne ceci. Donc, c'est un shmup à défilement vertical, et on joue Jack, une pilote qui récupère des fragments de technologie utilisés par des extraterrestres. Dans le fond, là, c'est qu'il y a des aliens qui ont toutes détruit les civilisations. Elle, c'est la dernière qui reste de cette civilisation à elle. Puis les aliens, donc Achajoul, donc voilà, c'est le nom des aliens. Il y a une technologie pour warper entre différentes dimensions, différents univers. Donc la twist de ce jeu-là, c'est que l'écran est scindé en deux et c'est comme le même niveau qui défile, mais avec certaines différences au niveau des ennemis, au niveau genre du décor, des affaires que tu vas voir dans le décor. Puis tu peux warper d'une dimension à l'autre, d'un côté à l'autre. Fait que des fois tu peux jouer à gauche de l'écran, des fois tu peux jouer à droite de l'écran. Ok. Fait que le gros truc de ce jeu-là, c'est vraiment ça comme twist en fait, là, c'est de warper. Donc tu vois que quand ton vaisseau, mettons, est à droite, mais à gauche, l'équivalent, c'est un petit point de la couleur de ton vaisseau pour te dire où est-ce que t'es quand tu vas warper. Hey man, c'est. Oui, je comprends la gimmick. Mais c'est pas facile. C'est un jeu qui est quand même. Un jeu 2017, hein. Quand même, ça fait quand même 7 ans de ça. Ben oui, je t'en parle ce soir, fait que je suis dans le rétro. c'est bien correct. Mais non, juste en partant, le look de ça, c'est très beau, je trouve. C'est très visuellement plein de couleurs. Là. J'ai bien aimé le style. C'est pas un bullet hell, parce que c'est pas ça la difficulté du jeu. C'est vraiment le fait que tu warpes d'un écran à l'autre sans arrêt. Donc ça, comme je disais, la technologie qu'elle récupère permet de voyager dans les dimensions. C'est beaucoup d'éviter les obstacles en fait dans ce jeu-là. C'est, ce qui est difficile, ça va être de regarder où est-ce que toi tu vas jouer. Puis d'avoir un coin de l'œil de regarder ce qui va se passer de l'autre côté. Parce que des fois, il faut que tu warpes pendant la seconde. Puis des fois, tu vas avoir, mettons, une porte qui va être bloquée d'un bord à gauche. Faut que tu ailles à droite pour la débarrer. Puis tu reviens à gauche pour passer. Fait que ça va être bien du back and forth comme ça. Voilà. Je regarde rapidement là, ce studio, oui. Too Awesome, The Last Fate. C'est annoncé, ça. C'est en précommande chez Retro MTL. Ça a l'air d'être un genre de Castlevania-esque. Ah, cool. Et puis, là, je vois Dimension Drive. Puis, j'en parle. Je voulais aller vérifier parce qu'il y a un jeu que j'ai joué, man, que ça me fait tellement penser à ça. Mais en tout cas, continue, puis je vais te le dire si c'est... Ouais, bon, donc, dans ce jeu-là, il va y avoir trois planètes qui vont contenir chacune quatre niveaux. Puis dans les trois planètes, on va débarrer une habileté spéciale. Donc la première habileté qu'on va débarrer dans le premier niveau, c'est vraiment de warper d'un côté à l'autre. Après ça, dans le deuxième monde, on va pogner le reverse et le slow motion. Donc ça permet de tourner le vaisseau de l'autre côté vers le bas. Puis tout devient super ralenti. Okay. Donc des fois, tu peux aller comme dans des petites cornes, dans des petits coins de raccoins, puis aller tirer une place qui va t'ouvrir une porte à côté, mettons. Ou tu peux juste te revirer, tirer les ennemis qui viennent du bas. Ouais. Ça vient, le plus dur, c'est que ça vient compliqué entre les boutons, de pas te tromper de bouton, puis de pas te warper quand tu veux te tourner de bord, puis... Faut que tu vraiment focus quand tu warpes de gauche à droite, puis après ça, tu dis OK, fuck, en arrière, à gauche, en avant. Le bouton en bas te fait warper de gauche à droite, le bouton en haut te fait warper, genre, ben, tourner de bord, en fait. Puis tu vas aussi débloquer après ça dans le niveau 3 un drift. Donc, il permet, genre, de slider super vite de côté. Ouais. Fait que tu passes à travers les balles d'ennemi comme ça. Et vont mixer tout ça ensemble et vont donner certains niveaux qui sont très difficiles, d'autres plus faciles. La difficulté n'est pas steady, je dirais, dans le jeu. Des fois, ça vient très difficile. Vraiment, là, c'est tough, là. Mais c'est quand même faisable. C'est pas, vu que c'est pas bullet hell, c'est quand même manageable. Puis les tableaux vont durer 2-3 minutes peut-être. Fait que tu vas venir que tu les apprends par cœur un peu les tableaux pour les faire. Fait qu'à force d'y rejouer, tu vas les faire. Puis vu qu'il y en a juste 4 par monde, c'est pas trop chiant. C'est un jeu qui va vous prendre un 3-4 heures peut-être à passer. Là. Si vous êtes quand même focus. Continue, limité, on recommence au début du niveau. Tu commences au début du niveau, t'as 3 vies en fait pour le passer. On le voit dans le bas là, un petit peu. Là. Fait, t'as 3 vies. Okay. On va ramasser des power-ups, mais c'est pas vraiment des power-ups. C'est juste que ça va, au lieu de tirer une balle, ça va tirer genre 3 balles. Ça va faire un spread. Fait que c'est surtout ça. Il y a plein de collectibles à ramasser. Là, on voit, il y a des boucliers aussi. Il y a de l'intel à ramasser. Genre des boucliers parce que t'as de la life ou... Oui, en haut, tu vois, quand tu tires, ta life, elle descend d'ailleurs. Ah. Là. Ben, c'est pas ta life, ça. En fait, là, c'est... Ben, où, c'est ta life? Oui, c'est ta life aussi. Ta life descend avec ton gun. Fait que si tu tires vraiment longtemps, t'es très vulnérable à te faire toucher par les balles d'ennemis. Là. Ah, ouais. T'es comme ça dit que t'overheat, fait que là, faut que tu changes de vaisseau. Fait que il y a un petit peu ça aussi dans les mécaniques à penser, là. Ah, ça, j'aime moins ça. Mais c'est bien fait sur le level design que des fois, t'as comme pas. T'es sur le bord, anyway, de changer de côté, fait que tu vas respawner rapidement, là. Ok. On va aussi ramasser ça de l'intel, des data cubes dans le niveau des affaires comme des petits bonus. Parce qu'à la fin des niveaux, c'est des high scores, puis c'est aussi des notes sur A, B, C, D, E. Là. Moi, je n'ai eu que des C tout le long. Puis j'étais content quand je passais le niveau. Ouais. C'était quand même très difficile. Là. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de leaderboard en ligne. J'aurais aimé ça pouvoir me comparer avec le monde qui joue pour les high scores. Ouais. Ça aurait été un bel ajout, mais malheureusement, il n'y en a pas. Donc voilà. Et puis on peut aussi choisir avant que le niveau débute entre 4 armes. T'en as un que c'est une wave, là, t'en as un que c'est comme des affaires qui tournent. Fait que tu vas les débarrer ça avec en faisant les différents niveaux. Puis il y a des boss fights, évidemment. Il y a des checkpoints aussi dans les niveaux. Fait qu'il y a comme une ligne marquée checkpoint, c'est comme une ligne d'arrivée, faut que tu la dépasses. Dès que tu la dépasses, ben, tu vas recommencer là si tu meurs. Okay. Fait que quand il y a bien de la map et bien des affaires qui te tirent dessus, va sur la ligne avant de te faire tirer. Là, ouais. Pour pas recommencer au niveau complet. Là. Mais c'était pas trop chiant. Des fois, je me rendais parce qu'il y a des boss fights à la fin. Donc, les boss fights, c'est des. Comme là, on voit là, ça, c'en est un. Boss ça, c'est fight. Oui, c'est intelligent, là, de la façon que c'est fait. C'est là. Quand même très bien. Tu warp d'un bord, puis tu sais, l'ennemi, il réagit pas de la même façon où il est comme désynchronisé. Fait que t'as des affaires à faire de chaque côté. Ouais. C'est super bien. Il y a aussi des boss fights qui sont pas vraiment des boss fights. C'est comme des courses. Ça se met à aller très vite. Puis là, t'as comme des flammes bleues dans le bas. Fait faut pas être trop bas dans l'écran. T'as des plateformes qui ferment, faut les éviter, mettons, puis t'as des ennemis à passer. Ça, c'est dur pour vrai, là. Faut pas que tu te trompes quand tu warpes d'un bord à l'autre, des fois, là. Ouais. Tu es très tête, là. Vous allez le recommencer probablement souvent, là. Bon, il y a de la musique, là, là-dedans, là, du synth wave, là. Puis, ah ouais. Des riffs de guitare, c'est très bien. C'est bon, très, ouais. Très shmup, là. J'ai bien aimé ça, là. C'est okay. le style visuel. Tu sais, les dessins sont beaux aussi. Il y a un genre de lore là-dedans, mais. Je trouve que ça fait générique. Tu t'en crisses après la première fois. Ça commence, c'est comme ah, c'est beau, c'est nice. Puis après, tu fais genre le petit plus ta Switch pour avancer puis les skipper. Là. Ouais. Ben, je regarde tous les jeux de cette compagnie-là. Puis ils ont tous l'air un peu. Tu sais, ils sont très. C'est très poli, là. C'est très clean, comme ouais, ouais. Ça, là. Mais ça manque d'identité. C'est pas spécial, je trouve. Ça se démarque pas du lot, effectivement. Non, par le non. Look. Ça a l'air de des jeux mobiles quasiment au look. Là. C'est vrai. Mais ça se démarque pas, tu sais. C'est pas spécial. Mais à le regarder. Gameplay, par exemple, se démarque. C'est très, très bien fait, pour vrai. Là. C'est un excellent jeu, là. Bon, on peut également jouer la campagne complète en coop, ce jeu-là. Ah ouais. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est la même chose. T'as deux vaisseaux. Il y a juste points, deux vaisseaux à l'écran. Un vaisseau qui est bleu, puis un autre point bleu, puis un point rose. Ah ben oui, ok. Hey, ça doit être messy en tabarnak. Ah, tu dois rien comprendre de ce qui se passe, là. On devrait faire ça au WEG à un moment donné, là. Mm-hmm. De bonheur le matin avec un café, là. Ah ouais, café banane, là, le matin. Ah oui, potassium, puis caféine. Ah oui, ah oui. Pour vrai, là, ça, c'est mon combo le lendemain de veille, ça. Mon nom de nouveau band, d'ailleurs. Potassium et caféine. Mais ça, comme tu dis, c'est un jeu qui est sorti en 2017, fait que c'est quand même 7 ans. Ça paraît pas là, sur le gameplay parce que c'est un schmop et on tire des affaires, mais ouais. Pour vrai, regardez-le, il doit tomber en spécial souvent. C'est un jeu, là, on a vu les plateformes. Là. C'est très très bien, j'ai bien aimé ça. C'est un jeu qui a des notes à peu près de 7 sur 10 là, dans les 7 à travers les années, les différentes critiques qu'il y a eu. Pour ma part, je vais lui donner un 4 pommes sur 5. Ah ouais, okay. C'est très bon. C'est généreux en pommes. J'étais sur le bord de 3.5-4, j'ai bien aimé ça. Ok, ok. Là, tu finis? Oui. Oh. C'est très difficile. Je l'avais fini dans le temps aussi. Là. Ça m'a pris une couple d'heures quand même. Là, ça, il fallait que je me ressaisisse un peu. Là. J'essayais de jouer genre ben évaché sur le fauteuil. Puis j'étais amené dans le fauteuil. Genre assis sur le bout du divan avec la manette de main. Puis je regarde. Genre je cligne plus des yeux. J'ai les yeux secs, secs, secs. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis je regarde. Puis je me focus. Puis c'était comme 2-3 tableaux par session max. Parce qu'après ça, je suis vidé. Là. C'est bien trop de. Ah oh, non, c'est ça. Là, ça. C'est ce genre de jeu-là. Après une heure, là, t'arrêtes, là, tu sais. C'est ça, là. Dans les speed, ben, des speedruns, pas tant. Mais il y en a qui doivent être capables de le passer au complet, mais c'est tough, là, pour vrai. C'est le fait qu'il faut pas que tu te trompes, là. Mm. Parce que là, tu warp, là, puis tu t'accroches ton bouton, puis là, tu te ramasses dans une roche, l'autre bord, puis t'exploses direct, là. Ça te pardonne pas, là. Mm. Voilà. Fait que. Dimension Drive. Excellent. Content d'en avoir entendu parler. C'est fait. Je pourrais essayer de pusher ceux-là qu'on a chez J'ai rouvert ma Switch après, je sais pas combien d'années que j'avais pas joué à la Switch. Non, j'avais joué à Mario le dernier, là. Wonder, la dernière fois, puis avant ça, je sais plus, là. Ça fait très longtemps. Ouais. J'avoue. J'ai dépoussiéré. Moi, pourtant, je jouais à la Switch tout le temps. Ouais, mais moi, je joue plus au VR, là. Mais ouais, c'est pas ça. Pas tant, je m'entraîne avec le VR, puis c'est tout ce que j'ai le temps de faire, de ce temps-ci, là. Ben écoute, on va continuer en Switch en ben fait, oui. Parce que moi, ma critique de ce soir sera celle de Dave, de Diver. Dave! Au dernier spectacle, j'avais parlé de Gravity Rush et puis que j'ai commencé Dave the Diver, ben, ouais. J'avais vraiment hâte. Puis là, je me suis dit, oh my God, c'est quelque chose. Mais puis là, je vais faire Gravity Rush parce que ça, ça va être comme nice and easy, rapide. Puis ça a été le cas. Puis là, je suis retourné à Dave. Puis je tombais en vacances. Puis c'était le parfait jeu pour mes vacances. Ah oui, ça a switch, je traîne ça partout, j'avoue. Ben non seulement ça, mais le thème, tu sais. Bruno en avait parlé à Retro. Ouais. Ben premièrement, développé par Mint Rocket et publié par Nexon, et c'est disponible sur toutes sauf Xbox. Mais j'avais lu sur Internet que peut-être d'ici la fin juillet, là, ça allait être enfin disponible sur Inbox. Sur Xbox. Mais j'ai pas vérifié. Alors, si vous êtes des Xbox users, allez vérifier. C'est peut-être disponible et ça vaut la peine. C'est très... Dave the Diver. Ouais, Bruno avait déjà parlé ça à Retro Nouveau. Là. Oui. Donc, c'est une belle aventure. Premièrement, tout ça est très chaleureux. Tout ça est un jeu de... C'est très lumineux, je trouve. Là. Même dans les noirceurs, là, les petits maquillages, c'est beau. Là. Mais la vibe, tu sais, c'est jeu... Parce que tu as une histoire là-dedans. Tu es Dave, là, un peu rond, là, plongeur. Puis tout le monde te fait travailler comme un hostie de malade, tu sais, mais tu te plains pas, là, puis t'es comme... T'es juste sympathique. T'es un bon vivant, là. Mais oui, t'es chill, tu sais. T'es comme, OK, nice. Mais t'es pas un épais non plus, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Puis Cobra, qui est ton partner... Ben, écoute... Cobra t'appelle, c'est ton partner in crime, là, tu connais depuis longtemps. Dis, hey, on part un bar à sushi avec Bancho. Puis Bancho, c'est le cook, ça. Wow. Fait que là, toi, ta job en tant que plongeur, c'est d'aller dans l'eau et de harponner multiples poissons, tous les poissons, tout. Et puis, tu ramènes ça à Bancho, puis lui, il cuisine. Et puis, ça passe, c'est une journée à la fois. Et puis, c'est tellement drôle. Tout ce que vous voyez à l'écran, il y a 1000 affaires. Il y a tellement d'affaires variées. Il y a tellement d'affaires. Et puis, c'est pour ça, là, je veux bien le couvrir. Et puis, tu as 2 plongées par jour. Et puis, le soir, après ta deuxième plongée, il faut que tu rentres au restaurant pour aller faire le service. Okay. Et puis, en gros, c'est ça. Alors, pendant tes plongées, tu vas ramasser du poisson. Tu vas ramasser aussi des parts, des morceaux de show, des morceaux d'affaires pour t'aider, mettons, à faire des guns. Et puis, tu vas ramasser... T'as plein d'affaires. T'as plein de sub-quests à faire, de ramassage de choses aussi. Dans du métal, des affaires comme ça? Oui, mais des coquillages, des algues, toutes sortes d'affaires. Ah si, il y a tellement d'affaires, je sais pas comment l'approcher. Parce que t'as un téléphone. Puis dans ton téléphone, il y a plein de apps. Puis dans chacune de ces apps-là, t'as des choses, tu sais. Parce que t'as une app qui s'appelle Cooksta. C'est l'Instagram du jeu pour ton restaurant. Fait qu'il faut que tu checkes ça. Après ton service, si le monde a aimé, il faut que tu ailles liker des affaires et tout ça, puis tu passes au prochain niveau. Et puis là, aussi, à un moment donné, ben pour les guns, tu as un gars qui s'occupe de faire les guns. Il est dans ton téléphone, il a son app. Et puis avec lui, ben tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes des parts que tu as trouvé dans l'eau, puis là, il te fabrique des nouveaux guns. Ou tu trouves aussi des guns dans l'eau. Tu as un gun puis un harpon. Le harpon pour moins maganer le poisson, puis le gun pour les plus gros. Parce que plus que tu maganes les poissons, moins t'as de viande. Ouais, fait que c'est ça. Puis les guns, ben, t'as des upgrades, puis c'est ça. Mais les harpons, t'es trouves tout le temps dans l'eau. Mais les guns, t'as un gars de gun, tu sais. Fait que t'as un gars de gun, et puis à un moment. C'est ça. Un gars de gun. Fait que ça commence, on va y aller de même. Ça commence de même, tu ramasses tes coquillages, tes affaires. Puis là, d'un coup, il y a une fille qui dit hey, on a des missions sous-marines, tu sais, on a besoin que tu ramasses 20 coquillages bruns, 4 assis, puis c'est ça. Fait que, OK, si tu ramasses ça. Puis là, il y a un autre gars qui dit hey, prends des photos en dessous de la mer à certaines places, va te donner de l'argent. OK. Puis là, il y a une autre fille, une autre personne qui. Il y a un gars qui est comme Ash dans Pokémon. OK. Qui dit hey, t'sais, comme va à telle place, tu vas avoir un gros monstre. Toutes les poissons que tu vois sont des cartes Pokémon aussi. Okay. Fait que là, lui, t'sais, comme tu unlocks ça avec lui. Fait que t'as plein de apps dans ton téléphone qui représentent plusieurs personnages avec qui tu dois dealer pour leur faire des quests puis plein d'affaires de même. Fait que là, tu fais tout ça. Puis là, quand tu fais des. Puis là, on va se transporter. Donc, tu fais ça dans tes plongées. Et puis, quand tu vas au restaurant. Tu t'occupes du service. Donc, Bancho, il cook. Les gens, ils rentrent. Puis là, ils veulent tel... Je recommence. Avant d'ouvrir le service, il faut que tu fasses le menu. Il faut que tu fasses le menu. Tu décides de ce qu'il y a sur le menu par rapport avec ce que tu as pêché. Ouais, ouais. Et aussi, à un moment donné, il faut que tu engages du staff. C'est très important parce que tu fournis pas. Puis aussi, il faut que tu développes tes recettes. Et puis, tu peux améliorer aussi tes recettes. Et puis, tu peux améliorer, genre, les plats. Mettons, tu pêches 20 poissons de la même sorte. Tu peux upgrade le sushi de ce poisson-là pour qu'il paye plus. Ouais, ouais. T'sais. Puis là, à un moment donné aussi, tu unlocks d'être capable de servir de la bière pendant le service. Tu unlocks d'être capable de servir des cocktails pendant le service. Puis là, pendant le service aussi, il faut que tu serves le thé. Et puis, il faut que tu fasses aussi du wasabi. Et puis, il faut que tu fasses aussi cette petite affaire-là. Fait que... c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion. C'est un jeu mi-exploration, 50-50 exploration et gestion. Mais c'est énormément de gestion. Mais c'est pas de la gestion compliquée. La preuve, j'ai joué 50 heures. Là. C'est comme une take sur un RPG un peu. Ah. Ça semble être RPG light, hein, genre. C'est pas un non. Par le fait que t'as des comme des parce que t'es quests. Tout le temps en même place. Ah, ok, ouais. Parce que le resto il est là, puis tu plonges tout le temps en même crise de place. Quand tu plonges, le même monde, genre, c'est pas comme tu débases un nouveau monde qui vont donner des nouveaux jobs. Non, okay, okay. Le trou dans lequel tu plonges, le grand trou bleu, ouais, ouais. C'est toujours le même. Ah, ok, ok, je comprends. Fait que à des différences près que des fois il y a d'autres poissons tout ça, mais tu sais, puis tu descends plus creux, puis là il y a des Il y a de quoi dans le chat? C'est du spam. Ah ben salut! Non, pas salut, c'est du spam. Ah, c'est du spam. Salut, le spam. Va chier. Et puis, c'est ça. Fait que bref, puis là, ton restaurant, fine, tu fais ta petite argent. Là, avec ta petite argent, ben tu t'achètes un meilleur suit. Fait que là, tu peux plonger plus creux. Puis là, en plongeant plus creux, tu te rends compte que c'est ça, tabarnak, il y a des affaires en dessous de la mer, c'est, il y a un peuple sous-marin. Ah là, ouais, OK. Puis là, il y a un professeur qui apparaît. Là, il apparaît dans ton téléphone aussi, tu peux y parler. Puis là, lui, il dit « Hey, peuple marin, on va découvrir ça ensemble. » Puis là, comme tu tues des boss, man, tu te mets ami avec des gens sous la mer. Puis là, t'as un village sous-marin. Ah ouais. Puis là, comme dans le village sous-marin, wow. Guess what? Ils te font faire des quests dans leur village sous-marin. Va chercher tel... Dehors, il y a des requins. Tue 5 requins. Viens me revoir, je te donne l'argent. OK. Puis là, avec cet argent-là, t'achètes d'autres affaires. Puis là, à un moment donné... Puis là, je te dis ça. Tu fais des plongées. Les jours passent. Puis c'est tout la même affaire. Mais t'as tout le temps un projet, tu sais. Ouais, ouais. Ça arrive presque jamais que tu fais juste plonger en disant ah, « je vais juste comme ramasser du shit, là, chiller. » Tu plonges avec ben, un tu plonges but, tout le temps avec des buts importants qui est de faire avancer la quest. Puis le jeu, il fait une job absolument incroyable de te garder en haleine dans le jeu okay. Avec cette quête principale-là. T'sais. C'est incroyable comment est-ce que ce jeu-là qui aurait pu être hyper répétitif et ouais. Désagréable. Te garde en haleine tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un, le téléphone sonne, tu réponds « Hey, salut, il y a deux... » T'as l'affaire, OK. Puis, il y a des affaires récurrentes aussi. Il y a des clients très piqués qui arrivent avec une affaire précise qu'ils veulent, tu sais. Puis, à un moment donné, tu le trouves dans l'eau, le truc qu'il veut, fait que là, tu rapportes ça. Puis là, ce gars-là, ah ben, cet ivrogne-là, ça s'adonne que c'est un fermier. C'est un millionnaire. Puis là, soudainement, ce fermier-là, il t'offre des légumes. Ah ben, Chris, à cette heure, des nouveaux sushis. Unlock une affaire. Non seulement, à cette heure, il faut que tu gères l'eau, puis tu gères ton restaurant, mais là, il faut que tu gères une ferme. Puis là, tu te mets à acheter des graines, puis à faire pousser ton riz pour faire des meilleurs sushis, puis tout. Là, tu gères ça. Puis là, après ça, tu unlocks aussi des ponds, des aquariums, ouais, ouais. Où est-ce que tu fais reproduire tes propres poissons. Des étangs de poissons, là. Des... Ben, mais contrôlés, là, okay, des bassins. Ouais, t'as ouais. Des bassins privés de tes propres poissons qui correspondent aux profondeurs que tu pêches. Fait que là, avec ces poissons-là, tu les envoies. Comme à Delsin. Là, tu les gères. Ouais, genre. Il y avait... J'allais pêcher là, Manic, mon père. Ben, exact. Là, c'est comme gros comme le local ici, là. Puis ben, tu c'est là-dedans. Ça, c'est ça. Tu pêches là-dedans. Fait que t'as ça. Et puis, à un moment donné aussi, guess what? T'ouvres une franchise. Ben, tabarnak. Là, faut que j'engage du staff, faut que je mette un responsable ouais. Là-bas, faut que je dise quoi faire. Puis après ça, ce monde-là, ils ont besoin de matière première. Tu te mets à leur chipper du poisson. Puis, man, c'est à la fin, t'as tellement d'affaires à faire. c'est absolument incroyable. Mais c'est même pas désagréable, tu sais. C'est juste plaisant. Là, je lis le chat. Il y a Gawet qui dit que c'est curieux de savoir ta boucle de gameplay parce qu'il y a eu beaucoup de misère avec la gestion. J'ai pas eu de misère, je pense, avec la gestion en tant que telle. Moi, j'ai fait la quête, puis quand j'ai eu fini la quête, je me suis dit, bon, ben, c'est terminé, tu sais. Mais après ça, ce qui me reste, je pense, c'est de réussir à voir absolument la totalité de tous les poissons qui existent. Et il y a comme quelqu'un, là, c'est la faune là, océanique là, qui te demande de ramasser X coquillages, puis de tuer X poissons. Puis le monde dans le. Tu sais, ça, il y en avait encore pour full. Cookstar, je me suis rendu à la fin, Platinum. Fait que j'aurais juste continué à piler mon argent puis à tout unlocker. Les guns, je dois dire par contre que ça, c'est un peu une faiblesse parce que t'arrives pas à aller au bout des meilleurs guns okay. Jamais. Parce que ce qu'ils te demandent, C'est très pointu, puis ça devient désagréable à un moment donné. C'est comme ça te prend 4 dents de requin de tel requin. Tu deviens-tu genre overpower? Après ça, c'est un gros gun upgrade. Je me suis pas rendu. C'est peut-être pour ça que c'est rendu. Justement, aussi, ouais. Parce que j'avais des middle guns qui faisaient très bien la job au final, que j'étais capable de tuer le gros poisson. C'est là pour le grinding seulement. Ben ouais, si tu veux l'avoir, tu l'as, là, tu sais. Mais en plus, non seulement ça, les guns, ils s'usent, puis ils brisent. Ah, ouais, fait qu'il faut que tu les refasses. Puis là, pour te rendre à ton gros gun, faut que tu commences par faire le premier petit gun, que tu upgrades à l'autre, que tu upgrades à l'autre, tu te refais un gros gun. Fait que ça, c'est un peu de la merde. Là, c'est un peu désagréable. Puis, tu sais, c'est ça. Puis là, en plus, dans le village sous-marin, comme je disais, ben là, guess what? T'as une ferme aussi d'algues dans le village sous-marin qu'il faut que tu ailles le payer le gars, hostie, puis qu'il plante des affaires. Puis après, à un moment donné, tu payes quelqu'un pour qu'il gère la ferme, sa terre ferme, tu sais, pour qu'il fasse les affaires. Parce que toi-même, Dave, qui plonge deux fois par jour, qui va faire le service le soir, faut que tu ailles sur ta ferme arrachée à mauvaise herbe. Le monde te font tellement travailler. T'sais. Puis toi, t'es chill, tu tues des monstres marins préhistoriques. Puis tu rentres travailler, servir des cocktails le soir. c'est niaiseux. Couper de l'ail. Mais tout ça est dans un univers magnifique avec la musique douce. C'est très beau. Des personnages hyper attachants et chaleureux. Avec, man, un background story. Tu sais, Bansho, le chef, là, il a tout un backstory, ce gars-là. là. Tout un hostie d'affaires incroyable. Puis aussi, il y a des choses qui reviennent au restaurant régulièrement. C'est des fêtes sur un thème. Mettons, dans 3 jours, c'est la fête des méduses. Oh shit! Bon, ben, man, faut que je pêche la méduse, tu sais. Puis après ça, tu finis ça. Yeah! Puis après ça, bon, ben, c'est la fête du saumon dans 4 jours. Fait que, puis là, quand les gens vont venir au resto, ils veulent manger ça. Fait que là, faut que t'en pognes, puis tu prépares ça, puis tout. Fait que ça, c'est une autre affaire, tu sais, à checker. Fait que bref, c'est ça, là. Il y a bien des affaires tout le temps. Là. Wow. Fait que, c'est. Je parle depuis tantôt, j'ai l'impression de même pas avoir couvert à moitié rien de tout ça. T'sais, les items qu'on utilise en dessous de l'eau puis tout. Puis en tout cas, bref, il y en a plusieurs. Tu ramasses ça tout le temps. Puis, tu sais. Y a-t-il une fin à ça, genre, dans l'histoire? Oui, il y a une fin. Tu finis le jeu, là. Dave fait sa retraite. Puis... Non, le resto. Puis tout. Mais non, parce que, tu sais, en très gros, l'histoire, c'est que le peuple marin que tu découvres qui existe, ils struggle parce qu'eux autres, leur vie dépend d'un arbre divin qui est dans l'eau, puis qu'il est en train d'être empoisonné. Tu sais. Ouais. Fait qu'au final, toi, tu trouves la source de ça. Y a-tu une trame, genre, pollution en arrière? Là, de non, ils t'emmerdent pas avec des dossiers comme ça. Là. Pas de gros dossiers, juste du plaisir. Non. Mais il y a même un segment, parce que t'as un ennemi là-dedans récurrent qui revient 4 fois, je pense. Et puis, lui, il travaille pour une compagnie. Lui, il travaille pour l'environnement. Là, il est genre Greenpeace. Okay. Mais dans le cas, tu te rends compte après ça que. Il y avait des courses d'hippocampe. Il y a des courses d'hippocampe aussi parce qu'il y a un casino au village sous-marin. Là, tu me parles. Puis là, le gars des armes, on l'a vu vite fait, le gars des armes, il fait des rêves. Puis il trippe sur les mangas. Puis il y a des mini-games de Beat Saber de manga. Puis ça, c'est dans ton téléphone aussi. Après, tu peux jouer. Il va aussi dans l'eau, ton téléphone? Ben, tu peux pas le consulter dans l'eau, mais avant de plonger dans l'eau, tu check tes affaires sur le bateau. Ça, c'est le gars des armes. Il y a Melter qui dit qu'au chapitre 6, il était désenchanté. Ah, pas moi, man. Mais à un moment donné, j'étais comme Colin, là, c'est beaucoup de choses, puis je ne semble pas tout maîtriser, là. Ouais. Il y a des affaires que j'ai toujours pas compris, tu sais. Comme avant d'ouvrir le restaurant, tu check ton staff, tes menus, tes affaires. On le voit là, ingrédients. Puis là, pourquoi je vois cette liste-là, tu sais, comme qu'est-ce que ça donne? Je ramasse la sauce soya tout le temps en plongeant, mais Chris, elle sert pour mes recettes, I guess, là, mais je comprends pas. Okay. Il y a des affaires que je comprenais pas trop, là, tu sais. Comme je disais, les upgrades de guns, c'était pas yard non plus, fait qu'il y a ses points faibles, là. Mais man, il y a du stock dans ce jeu-là, là, à côté, là, pour vrai. Il en montre beaucoup dans le trailer, puis je suis sûr que tu vois pas le cadre de ce que tu as vu dans le jeu, j'ai l'impression. Ben, il montre beaucoup de cutscenes, là, c'est très rapide, fait que là, ça te montre qu'il y a bien des affaires, mais il y en a pas tant que ça. Mais il y a un segment, ça, je voulais dire, avec le gars de Greenpeace, où est-ce que tu te rends compte qu'il est... En tout cas, je vais spoiler un peu, mais ça t'amène dans une genre de usine. Okay. Puis là, t'es en mode Metal Gear. Faut pas que personne te voit. Oui, il y a des boîtes, puis tu te caches, puis tu sais, c'est très drôle. Sim Simon qui dit que les ingrédients servent à upgrade tes recettes. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Upgrade les recettes. Quand on fait upgrade, c'est pas juste plus de la, plus des mêmes. La gestion du resto. Là. Ah, mais là, il y avait beaucoup de monde, justement. Ouais, ouais. Mais comme au début, je rushais, puis là, je réussis. C'est quand je me suis mis à engager du staff. Ah, aussi, puis tu payes de la formation à ton staff. Parce que ça, c'est très important. Là, parce qu'à un moment donné, ils sont capables, eux autres aussi, de servir des bières. Là, parce que t'enlèves ça des jambes. Là, ouais, okay. Fait qu'il faut que tu payes pour ça. C'est très important. Chose que j'ai jamais faite. Par contre, ton staff, tu peux les envoyer faire des commissions. Okay. Aller quérir des ingrédients. Mais je l'ai pas faite. Je l'ai pas essayé là, de tous les millions d'affaires qu'il y a à faire là-dedans. Puis sur la ferme aussi, il y a des poules. Fait qu'à un moment donné, tu peux acheter un truc de poulailler automatique qui est nourri. Tout ça coûte une fortune. C'est clair. Okay. Fait que, mais ça te donne des œufs à côté. Mais j'ai pas compris que j'avais besoin des œufs tant que ça. Fait que j'ai jamais investi le là-dedans. Le festival des œufs. Ben, ça doit venir, ça, à un moment donné. Quand tu te mets à prolonger, je suis sûr qu'il y a un festival. Tu mets à faire des soupes, des faux, là, avec un œuf dedans. Là, absolument. Monsieur Gawette pourra en parler. Ben oui. Des ramen avec des œufs. Des ramen. Ah, quel bonheur dans la vie, des ramen. Ouais. Fait que, en tout cas. Très hot pour eux. C'est un jeu. C'est pas. C'est, quand tu plonges, c'est relax, mais tu peux crever aussi. Là. Je suis mort plusieurs fois. Fait que des puis faut que tu dans les combats avec, avec genre des requins. Puis quand tu te fais toucher, c'est de l'air en fait, tu perds de l'air. Ouais, ça, je m'en dis qu'il faut que tu gères tes bonbonnes d'oxygène et tout ça. Ben ça descend tout seul, tranquillement, okay. Mais quand tu te fais toucher, ça descend. Mais tu pourrais être dans le fond puis genre t'as plus d'air puis tu crèves là. Genre. Exact. Comme mais, Mario en train de te pogner à la gorge. Totalement. Puis quand tu meurs, tu perds tout ce que tu as ramassé, une chose que tu as le droit de garder. Mais des fois, tu as 30 choses dans ton sac, mais t'en gardes une. C'est tellement crève-cœur. C'est sûr. Ah, wow. Parce qu'à la fin, ta plongée, elle dure longtemps parce que tout ton équipement est upgrade. Là. Fait ouais, c'est ça. T'es combien de temps dans l'eau, mettons, quand tu fais une run? Au début, pas trop, là, mais mettons à mid-game, là, une plongée que tu prends ton temps de la surface pour aller même parler au peuple marin puis descendre dans l'air glaciaire. Tu peux tout faire ça d'un coup si tu veux. Tu ramasses de l'air ce faisant. Ça peut être 40 minutes là, si tu veux. En fait, moi, je remontais seulement quand mon sac était plein. T'sais. OK. Fait que, puis des fois, je plongeais rien que pour même pas ramasser du stock, là, rien que pour avancer la mission, tu sais, parce qu'il y a ça aussi. Puis des mini-games, des affaires. Hmm. Ça a une fin, mais il y a du stock. Ça a l'air complet. Fait que sachez que je suis une personne qui aime les jeux de gestion, mais qui aime pas trop de gestion. Puis ça, à un moment donné, c'est limite pour moi, quand même, là. Mais pour le commun des mortels qui est pas moi, il va être capable de handle ça quand même très bien. Mais regarde, le menu est chargé, là. Tu sais, moi, c'est. C'est pas trop pire, mais oui, c'est chargé, c'est effectivement. C'est pas dégueulassement dégueulasse, là. Mais pour moi, quand je vois un menu comme ça, il y a bien des places que je regarde même pas, là. Tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Mais overall, c'est très jouable. Écoute, le jeu, il a une vibe magnifique. C'est relaxant. C'était parfait pour mes vacances. Même que les jeunes avec qui on était au chalet me regardaient à jouer. Ils étaient tout excités. Hey man, on va. T'es rendu où là? Tu fais quoi? Fait que c'est un très bon jeu. Je vais donner la note de 4.5 pommes sur 5 à Dave the Diver. Tu sais. Les seules mini-critiques que je peux faire, c'est peut-être visuellement, tu sais, c'est un peu... c'est très beau, là, c'est bien correct. C'est pixel, tu sais, c'est pas épatant. Et puis, c'est ça, c'est peut-être une miette trop lourde, mais juste une miette. Okay. C'est une petite miette de goutte de trop, je trouve, lourd. Mais ça, c'est moi, personnellement, tu sais. Fait que voilà, on a... des jeux Dave the Diver chez Retro MTL. Il nous en reste encore une coupe et je comprends pas. Moi, j'ai dit au monde ici. Faut que ça parte. Faut en commander. C'est malade. Tout le monde dit que c'est malade et tout le monde a raison. C'est malade. T'sais. Puis je comprends pas. Quand on l'a reçu, on n'a pas vendu des tonnes. Je pensais que ça allait flyer. Fait que allez voir du gameplay. Puis si vous pensez que ça va vous parler, go là. On en a chez Retro MTL. C'est vraiment. Moi, j'ai adoré ça. J'ai joué à ça. Vous avez fini Final Fantasy? Moi, j'ai fini Dave the Diver. Même longueur là. C'était vraiment hot. Fait que voilà. Excellent. Ben, on n'a pas de collection ce soir. On n'a pas de question du public non plus, je pense. On a une question qui restait peut-être du Garden Party. Oui, on va... D'ailleurs, on a vu les pommes. Les pommes ont fait une petite apparition dans le Garden Party. Oui, c'est vrai, il y a des pommes... Vous pourrez les spotter une couple de places. Puis ça, c'était pas prévu, parce que quand on est arrivé chez vous, on a vu qu'il y avait un sac de pommes. Ouais, parce que ça, vous êtes arrivé chez nous en trombe. Vous, vous avez tout cassé les bières. Puis, Ah, c'était tellement drôle. Puis on en parle dans le Garden Party. Martine, en sortant de l'auto, elle prend ses bières. Mais dans, puis ils ont détaché du petit holder en plastique. Ouais, ouais. Puis ils ont pété dans le driveway. Psss, ça pissait partout. Astique, c'était drôle. C'était vraiment très drôle. Fait que oui. Ben en fait, je pense qu'on a juste une question qu'on n'a pas faite. Et puis c'est celle de Michael Goulet. Donc Michael Goulet, ce qui est probablement professeur. À toutes les fois. Avez-vous un genre de jeu que vous détestez ou êtes moins attiré? Exemple, RPG, FPS, RTS. Qu'est-ce qu'un RTS, donc? C'est un real-time strategy, fait qu'un genre de jeu à la Command & Conquer là, ou Age of Empire. Là, mais, oh. Ah ouais. Ou les trucs XCOM, mettons aussi, là, c'est des RTS, là, StarCraft, ces affaires-là. Là. Ah, c'est ça, hein? Des jeux de gestion de stratégie en temps réel de grosses armées. Là. League of Legends n'est pas ça, hein? Ça, c'est un C'est un MMORPG, League of Legends. Je suis pas certain, j'ai jamais joué à ça. Les gens dans le chat nous le diront. Mais moi, un RPG, pas tant. C'est assez rare que je fasse un RPG. Là. Un MOBA. Un MOBA. Ah, voilà. Massive Online BA. Il suffit qu'on drop, qu'on ait un... On a des first-time chats juste pour nous schooler sur nos affaires. C'est la bière, là, pour la fatigue, pour vrai. Là, c'est pour montrer à quel point on est ça. On est comme, oh my... Il y a si quelqu'un avait, dans le chat qui va te dire, vite. T'imagines-tu si on avait, genre, la ligne ouverte directement, là, ça flasherait, on pourrait répondre, MOBA, calice. Ah, ça serait merveilleux. Ça s'en vient. On voit Maxime dans le chat. Merci, Maxime. M-H-A-K-X. Il est sûrement professeur. Quelqu'un de la fonction publique. Là. Un gars de la fonction. Tu que c'est drôle. Il est là. Première fois qu'il parle en 10 ans. Un autre. Ah, Tigui Lalune. First time chat. Il était pas dans le rétro nouveau, Tigui. Ouais, mais c'est le même. C'est probablement le même. Là. Ouais, c'est on ça. On avait finalement déduit que c'était Guillaume avec les lettres mélangées. Ah ouais. Voilà. Oh, on est vraiment... est le même, nous autres, des Colombos. Ça paraît que t'es intelligent et t'as un poste de gestionnaire maintenant. D'ailleurs, juste mention, les archives de Rétro Nouveau sont sur Young maintenant. Young Media sur Twitch. Donc, allez sur Young Media. Mais j'ai de same sorte le clairon. Un clairon. J'ai découvert que OBS qu'on utilise pour streamer, on peut se connecter là-dessus avec des logiciels externes. Fait que je pourrais connaître un logiciel qui genre, gère ce que je diffuse des archives. Fait que mettons, là, on finit, il y a un épisode qui finit, genre 1h40. Je pourrais mettre des pubs jusqu'à 2h si je voulais, automatiquement. Là. Je suis pas sûr de comprendre. Recommence. De rétro nouveau. De rétro nouveau des archives. Mais c'est pas en loop, ça. Mais présentement, ce n'est qu'un après l'autre collé random que je randomise. Mais là, je préfère que, genre, il y a un épisode qui finit, mettons, il est 2h40 un après-midi. Pas le prochain, je suis à 3h. Mets des vieilles pubs comme on met au début, genre, entre-temps. Y aller sur les heures précises. Je pourrais, genre. Ton but, c'est d'être ces heures précises. Je pourrais me coder un logiciel de gestion de diffusion en live. Là. Je pourrais avoir un vrai poste de TV, là, je pourrais me faire. Là. Je suis en train de checker ça. Là. J'aime ça. Je pourrais, je sais pas, bien des affaires que je pourrais faire. Quand j'ai découvert ça, je faisais « Oh shit, OK ». Il y a bien des affaires que tu pourrais faire si t'avais du temps. Les portes s'ouvrent, ouais. Mais ça s'en vient. Là. Quand tu vas avoir amassé assez d'argent. Non, le burn-out arrive, ça va me donner bien du temps libre. Là, faire c'est affaires, vrai, là, c'est vrai. Faudrait aller en burn-out. On demande dans le chat si cette semaine que tu reçois les copies de Last Fate sur tout Switch. Très bonne question, Tigui. En fait, on pensait que oui, puis nous autres, on dit comme « Hey, c'est cette semaine, my God, on avait oublié ça. » Mais non, c'est repoussé. Dans un mois, je pense, c'est ça qui s'est passé. Je vais aller voir, t'as peu... Il y a Maxime qui dit que je pourrais demander à mes employés de le faire. Malheureusement, je peux pas le faire pour la job, là. C'est... Mais oui, c'est ma job. Non, mais tu leur demandes de faire un script code, là, puis... Non, mais la ChatGPT, là, tu sais bien. Attends, The Last Fate. The Last Fate. Ah, on l'a retiré des précommandes. Oh, I mean, New Orleans Fall Away. C'est ça. Non, mais voyons, Esti. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on peut plus. Oui. Ouais, non. Non, mais bon moment de radio encore. Jeff, faut que tu fasses du contenu. Je pensais que tu allais avancer là-dessus. Là. Ben là, on parle de. On dit no problemo dans le chat, là, donc c'est réglé. Ouais, non, c'est ça. Mais non, il a été repoussé, Tigui. Là, je suis sur Google, là, je ne sais pas, je ne le trouve pas, je ne veux pas scraper. Bref, les RPG, mais, dernière minute, il est repoussé. Ah. Mais ouais. Les RPG... Parce que l'investissement de temps que ça prend de jouer à ça, surtout. Parce que je jouais avant à ce genre de jeu-là, le Baldur's Gate, puis là, le temps me manque. Là. Mais moi, c'est pas parce que je les aime pas. Moi non plus, c'est vraiment par manque de temps. Là. Exact. Mais ce que j'aime pas... Ben, c'était ça la question? Ce qu'on aime moins ou ce qu'on joue pas, en fait, là? Signy. On me demande si on est capable d'avoir des copies de Signy. Hey, tu fais du service à la clientèle sur le show, là. Ben oui, directement. Mais on a vraiment des jeux, je m'en disais, des JRPG, c'est un peu dans la même veine aussi, là. J'ai jamais vraiment joué à ça, là. Ah, Signy All Guns Blazing. Ça, man, c'est le shmup qui est exclusif au PS5. Ah, pour vrai? Oui. Puis c'est absolument magnifique. Non, c'est faux. Ah, oui, oui, oui. Ah ouais. Veux-tu le mettre à l'écran? Je l'ai vu tantôt, ça, en plus. Screen. Ça, j'ai vu ça tantôt. All Guns Blazing. Mais je pensais que c'était exclusif PS5, mais on dirait qu'il va être sur plusieurs plateformes, finalement. OK, OK. Mais oui, on est capable, Tony Biz, d'avoir ça. Et puis, on voulait en avoir, d'ailleurs. Même moi, je me suis dit, je joue jamais au PS5, mais c'est un bel item de collection. Mais là, sur Switch, il va être dégueulasse. Ouais, mais je vais prendre du PS5, c'est pas du PS5 aussi. Ouais, c'est ça. Hey, you have my attention, pour vrai. Yeah. Fait que oui, absolument. Comme moi, puis je checkais ça avec Joe, puis on était comme, wow, on était mind blown. Un shmup PS5, exclusif PS5. Absolument magnifique. Vous aurez ma critique à Rétro Nouveau? Papa Cassette? habitudes. C'est les vieilles habitudes, ça. Ouais. Voilà. Fait qu'on en aura, oui, mais on a vu que ça a été repoussé puis tout, fait qu'on est un peu dans le néant par rapport à ça encore. Donc, mais c'est définitivement quelque chose qu'on va avoir. Mais là, la vraie question du professeur, c'était, ouais, détester ou être moins attiré. Donc, ben, moi aussi, RPG, puis s'il fallait que je fasse des RPG, je pense que je ferais des RPG rétro que j'ai pas fait encore. Peut-être que je toucherais au Breath of Fire, au Super NES, puis Lufia, ce genre d'affaires-là. J'irais vers ça en premier si je unlock du temps. J'ai réessayé The Seventh Saga, et puis c'est violent. Ouais. Puis tout le monde dit, man, t'es courageux, là, c'est du grinding. Puis c'est pas un petit cadeau, ce jeu-là, fait que je l'ai abandonné, mais j'aime tellement la musique puis les sons de ce jeu-là, c'est incroyable. Mais sinon, moi, les FPS, pour vrai, je zéro. Hein. Ah ouais? Non, je suis pas capable de jouer à ça. Ah, moi, j'adore ça. Fait, j'en joue pas. Tu joues jamais, on dirait. Je pense que je t'ai jamais entendu parler d'FPS. J'ai pas joué des c'est FPS. C'est la job de Fred à Retro Nouveau. J'en faisais plus quand on a commencé à Retro Nouveau, je pense, mais avant, j'étais très, très fait. Ben, j'ai joué à genre Resistance. Mettons, c'est là que j'ai arrêté, peut-être, là, les PS3, ça, Resistance, je pense. Sinon, avant, j'étais très, très. J'ai joué longtemps à Counter-Strike, moi, en ligne, là. J'étais pas dans les tops du tout, là, mais je jouais en ligne, me faisais défoncer en ligne, là. Quake, Doom, tout ça, oui, là. Les boomer shooters, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les affaires qui explosent. Ouais, j'ai tout joué à ça, mais quand j'étais plus jeune, mettons, là. OK, OK. Passé 30 ans, moins. Je sais pas, moins eu le temps de jouer à des shooters. Ben, c'est le. C'est une vie, ouais. C'est une vie, là, jouer à ça. Mais, ouais. Mais j'avais fait Halo, le dernier Halo Infinite, je pense. Mais je n'ai juste pas parlé à Retro Nouveau. OK. Je l'avais fait, puis ça tombe dans une craque, j'ai oublié d'en parler. C'est un gros, gros jeu, j'ai mis. C'est un énorme 38 jeu. Heures là-dedans, je n'ai pas parlé. T'avais honte. Il y avait une mécanique de grappin, en plus, c'était vraiment hot, ce jeu-là. Moi, j'avais bien aimé ça, là. Mais j'aime bien les FPS quand même, oui. OK. Ben, moi, j'aime pas ça. Parce que je me perds, puis je sais plus où je suis, puis le gars en arrière, puis tout. J'ai même essayé, c'est pas un FPS, ben, ça tire pas, mais j'ai essayé Portal. Moi, j'ai acheté Portal au PS3, je suis comme, le meilleur jeu de tous les temps, Portal. Man, si je vois pas mes pieds, tu sais, c'est que ça me fuck. Je suis pas capable. Okay. Je suis juste pas capable de jouer à ça. Un autre style que je joue jamais, les jeux de sport. Ah, ouais. Toi, tu joues quand même, tu joues au baseball, lutte. On peut le rentrer là-dedans. Ouais. C'est ça. Mais moi, zéro. Jamais. Football, non. Hey, football, soccer, man, c'est rare. Là. Moi, je joue à Mario Striker là, ou pour le soccer, mettons, ou le tennis. Ah, là. Mais ça, c'est des jeux arcade. Là. C'est pas pareil. C'est ça, là. T'sais. Mais tu sais, mettons, Madden. Là. Ah, c'est intense. Là. C'est tough. Là. Puis tu sais, je dis baseball, je joue des games. Je joue pas la saison intense de gérer le club. Puis, c'est ben trop. Là, c'est ça. Mais tout ce qui est possible de faire à cette heure, c'est absolument fou raide, là. Oh, ok, avec mon fils, ah non, même pas. Mais mes enfants veulent plus rien savoir de gamer avec moi, man. C'est terminé. Mon plus vieux, bien sûr, il joue à ses jeux. Il joue à FIFA, là. Rocket League, et Apex, il revient un peu. Il y a eu une phase Fortnite l'année passée. Là, il est sur FIFA, là, présentement. Mais il tourne autour de ça avec ses chummies, mais pas aucunement intéressé à mes jeux. Mais mon plus jeune, Hey man, la dernière fois qu'on a joué ensemble, je pense que c'était Illusion. Le dernier Illusion là, sur Switch. Castle of Illusion? Non, mais Mickey, Mickey là, Illusion, Illusion Island. Island ouais, quelque chose de même. Le dernier Illusion. Ouais, ouais, Illusion Island, je pense. Ouais. Que j'ai fait, que, dont j'ai parlé à Rétro Nouveau, puis à la fin, il était temps que ça finisse. Là. Il a abandonné. Puis on a reçu Castle Crashers ici, chez Retro MTL. Ça, c'est vieux, là, quand j'ai même. J'ai lu ce PC, ça, ouais. Ah, c'est super bon. Puis en physique. Fait que je l'ai starté avec mon gars. Puis, cool, on a fait deux niveaux, mais là, il veut plus jouer. Puis, j'ai pogné aussi Turtle Wrath of the Mutant, je crois, qui est le jeu d'arcade. Tu sais, le gros cabinet d'arcade Nickelodeon, là. Ouais, c'est les Turtles de Nickelodeon. Et puis, c'est pas un jeu malade, là, mais ils l'ont porté sur Switch, puis j'ai acheté, puis c'est quand même cool, tu sais. Puis on a fait deux niveaux, puis abandonné. Ah. Fait que j'ai plus d'enfants. Il y a Blastman qui dit qu'il se fait briser solide par son fils au hockey, c'est frustrant. Ah, ça doit, moi aussi. Mon fils me brise à tout, là. Mais c'est le hockey sur PS5, c'est un autre game, là, c'est tough, là. C'est bien des contrôles, là, je l'avais déjà dit, je pense, mais tu contrôles. Tu joues le bâton, tu joues pas le joueur. Là, fait que c'est, ah ouais, c'est vrai. C'est très dur. Là, c'est vrai que tu joues le bâton. C'est une belle façon de le dire, ça. C'est ça. Ah non, moi, je veux pas m'aventurer. T'es-tu un jeu de voiture, toi? Les jeux de course. Les jeux de course, mettons. Là. Turismo, jouerais-tu à ça? Ou c'est... J'ai énormément joué à Gran Turismo 3. Parce que je l'ai eu avec ma PS2 dans le temps. Fait que, comme je l'ai dit, je pense à quelques fois, Rétro Nouveau, j'ai un petit beau garage, là. Toutes mes. Un beau garage, toutes mes Acura NSX alignées, là, tu sais. Nice. Puis je changeais les mags, puis j'ajustais l'angle des roues, puis j'ai tout fait ça, là. J'ai pris du temps pour faire ça, puis j'ai grindé ce jeu-là. Ouais, ouais. Puis je l'ai pas fini, j'ai pas tout fini les courses, mais j'ai joué énormément. Puis c'est un jeu, ça, c'est une série que je respecte beaucoup et que je trouve magnifique, là, vraiment. Puis j'ai vu les copains là, jouer au WEG un peu puis booter ça. Puis tu regardes ça, c'est comme « wow, c'est tellement beau ». Mais tu sais, c'est plus rétro, là. Les jeux top-down, tu sais, comme pas RC Pro-Am, Super Off-Road, Top Gear, ces affaires-là. Mais mettons tous les grands classiques, là, Burnout, Need for Speed, tout ça, j'ai jamais joué à Burnout ça. Burnout Paradise, c'est tellement bon. Là, ouais. Toi, tu joues pas mal? Je joue pas mal. Ça avec que je jouais plus avant. Là. Mais j'avais un volant pendant un bout de PC. Là, fait que mais tant de madness, des jeux de même là, que tu joues à San Francisco puis tu drops dans les rues. Là. Exact. J'aimerais me racheter un volant à un moment donné. Puis j'ai streamé ça peut-être. Là. C'est tellement le fun, les jeux avec des volants. Là. Ouais. Volant VR. Là. Je joue à Gran Turismo VR. Mais moi, j'aime les chars dans vie aussi. Là, ouais. Fait que c'est un style qui m'intéresse plus, mettons, que les FPS, là, en effet. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qui existe d'autre? Les 3D platformers. Il y en a quand même une couple sur Switch, mais je joue jamais. On dirait que ça me tente pas. Pas que j'haïs ça, là, mais... J'en ai ici là, une couple. Là. J'ai sorti Styles of Gaming. Fait Action Adventure. Ah, ben gars, Fighting. Ça, c'est un de. Ça, j'aime ça. Moi, je joue presque pas à ça. Dans les Street Fighter, j'aime pas ça. Ben, j'aime ça jouer, mais pas longtemps. Là. Je vais me battre, puis je suis pas très bon. Là. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère avec ces jeux-là. Là. Ah, tu vois, moi, c'est ça. Moi c'est, j'aime beaucoup ça, les jeux de fighting. Surtout les types de gameplay Street Fighter et Tekken Soul Calibur. Là. Mortal Kombat, non. J'ai pas. Shooter, ben, shmup, évidemment. Les deux. Là. Puzzle, pas tant. Ben, j'aime ça. Des fois, mais genre, c'est pas ce que je joue le plus. Old school, là, ouais. Pick your ass, là, pis d'autres affaires pour te casser le cerveau, là. Exact. Non, j'aime bien les jeux de puzzle. J'aime dans les styles plus pointus, les Brick Breaker, tu sais, c'est correct. Ah, ouais, c'est plaisant. 2D platformer, hack and slash, run and gun, ces affaires-là, j'aime tout ça. Sur la Playdate, il y a un Brick Breaker tibulaire, là. La crank, ça tourne en alentour, puis la balle, elle va n'importe où. Fait qu'il faut que tu te tournes. C'est quand même cool. Là. Ok. Beau concept, mais c'est dur. Là, ça, avec, ça va vite. Là. Mm-hmm. Faut que je reparle de Playdate à un moment donné. Là. C'est pas assez couvert, ce console-là. Quand t'auras le temps. Quand j'ai le temps. Puis. Monsieur de la Chapelle, t'attendrais de dire ça. Ben, hey, Monsieur de la Chapelle, il jouait pas à mes jeux non plus. Alors, il était engagé pour ça. C'est ça, là, chacun notre style. Là. Exact. J'ai pas dit que c'était pas bon, j'ai dit que moi je joue pas à ça. Là. C'est... Non, c'est ça. Tu sais, dans les WEG, je m'essaye. Tout est bon. Dans les WEG, là, genre justement Nick, Zeph, là, je m'essaye même pas contre eux autres. Là, ah je... non, c'est je sûr. Faire détruire, là. J'ai peut-être joué une fois, puis je me dis, c'est assez. Là. Ben, c'est parce que les jeux de fighting, contemporains. Bon, c'est comme les jeux de course contemporains ou les jeux de sport. Ils sont rendus compliqués. Ouais, puis tu peux être bon en mâchant, mais contre quelqu'un d'autre qui mâche, t'sais, pas contre quelqu'un qui sait comment jouer, tu vas te faire détruire. Là, exact. Puis c'est du training, man, puis des affaires, là, c'est hardcore. Là, c'est vraiment... Des gros cabinets imposants. Là. Ah non, c'est... Les roguelikes, mettons, pas quand même, des fois. Là. Binding of Isaac, quelque chose du genre, j'aime bien ça, là, ce genre-là. Là. Oui, mais je pense que le thème rogue peut être attribué à toutes sortes de types de gameplay. Par ouais, rogue, roguelike, roguelite. Il y en avait plusieurs sortes qu'on pouvait avoir là aussi. Là. Ça dépend. Ben, là. Roguelite, c'est quand c'est des intégré. Éléments de rogue, mais roguelike, c'est un rogue. Là. Mais tu peux avoir un 2D platformer, puis un 3D platformer qui sont roguelite. Ouais, tout à fait. Là, ça se mélange un peu, ça. Là, fait ça. Que le rogue-ish, j'aime. Je me suis tanné de ça. Ouais, moi aussi un peu, là. J'ai pas de misère à que ça soit light, mais like au complet, ça me tente moins à cette heure, je pense. Mais autrement, je pense que mon style préféré, c'est les platformers. Là. Ouais. Si overall, j'ai choisi un, ça va être ça. Là. Metroidvania, si ça rentre là-dedans. Ouais, aussi. Là. Ah ouais. Mais ouais. Platformer aussi. Là. Les platformers 2D, ouais. Metroidvania, exploration. Les action platformers, d'exploration. Donc, les Metroidvania, j'aime bien ça. Les shmup, on adore ça. Mais tu sais, c'est assez niche par contre. C'est les niche. Puis je peux pas te dire, je m'assois un soir, puis je fais des shmup pendant 5 heures. Ah, non, non, je fais jamais ça. Là, des fois, je m'assieds, j'en pars un. Mais je connais personne qui joue à des shmup, là, vraiment. Là. Ben, de façon. À part dans une gang très. Rigoureuse, ouais, mettons, ça, là, tu sais. Avoir pas le monde très proche du gaming qu'on connaît, là, personne ne va me dire que j'ai un shmup. Là. Quelqu'un qui me demande si j'ai hâte au nouveau Astro, ça va être écœurant sur PS5, malheureusement pas en VR, je suis très déçu. J'avais dit que s'il faisait un Astro Bot en VR, j'ai acheté un casque PSVR 2 juste pour ça. Vous avez manqué une vente de 700$. Là. Hey! Mais moi, le prendre parce que j'adore Astro, là, bonne franchise ça. Là. Ça ressort quand ça? Je sais pas, j'ai pas vu c'était quand la date, là, mais ils ont annoncé un jeu complet d'Astro Bot, mais pas VR. Là. Ouais, un c'est platformer ça. Genre normal là. Qui était en précommande chez Retro NT. Oh! Je sais pas s'il l'a encore. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pantoute. Cinématique platformer, tu joues beaucoup à ça ou c'est. Ah, ceux-là à la Prince of Persia? Ouais. Ou ben, je joue pas beaucoup à ça, mais moi, Lunar. Ouais, Lunar, justement. Lunar, j'ai tellement aimé on dit ça. Fin là. Septembre pour Astro Bot. Ah bon, voilà. Merci. Fait que ça s'en vient. Merci, Tony Biz. Je n'ai pas joué beaucoup, mais j'apprécie beaucoup le style. J'apprécie ça, oui. Blackthorn, j'ai ouais, bien ouais. aimé ça. Out of this world, another world, j'ai adoré ça. J'ai jamais vraiment donné sa chance à Flashback. Faudrait que j'essaie. Prince of Persia, c'est old school. Pas des jeux faciles, par exemple, à jouer. Là, c'est... Non, mais c'est long aussi. C'est très long. C'est ça, puis il y en a des plus obscurs-ish là, sur Super NES aussi, genre Nosferatu. Ah, wow. Puis c'est pas mauvais là, du tout, là, Nosferatu. C'est quand même pas pire. Sur quoi, sur NES ou Super NES? Super NES. Nosferatu sur Super NES. C'est un jeu ça, qui a pris bien de la valeur. Là. Ça doit pas valoir 100$. Là. T'es-tu en train de nous le mettre à l'écran? Toujours. Ou... Toujours. Oups, la musique. Ah, j'haïssais pas ça. Ouais, mais je sais pas ce que ça va donner après ça en audio. Là. J'ai des affaires à régler. Là. Ah, il se passe rien. Fait que, ouais, ah, tu ben vois, ouais, okay. c'est carrément Prince of Persia, là, mais c'est brun longtemps. Ah oui, puis ça, c'est drôle, Nosferatu, parce que ce qui est plaisant, c'est que t'es juste un gars, pas d'armes. Fait que tu rentres dans le château de Nosferatu, puis tu punches ce style d'escalade. Dracula, j'arrive! C'est ça, tu punches Dracula dans la face. C'est hot! C'est Double Dragon, Meat Castle, Vega. Ouais, parce qu'il spike. C'est ça? Ah oui. Roundhouse kick direct dans la face. Ah non, c'est malade. Le gars, il a une stance de boxeur et tout. Fait que... bon jeu, man. Bon stage jeu. 2. Yeah, il saute dans les airs. Je sais pas si c'est un jeu qui a toujours des continues, ça, mais si c'est le cas... Le gars, il finit ça en une heure. Puis ça, c'est un gars qui connaît la game. Fait que... Quand ouais, même, 55 minutes. Ça doit minutes, pas être 50. Facile. Ça va être tough. Ouais. Fait que oui, c'est pour répondre à ta question. C'est un style que j'apprécie. Bravo de l'avoir sorti. J'y aurais pas pensé. On a fait le tour de tous les styles, je pense. On a fait tout le tour. Jeu de musique, jeu rythmique, j'aime bien. Oui, moi aussi, mais je peux pas dire que j'y joue beaucoup. Pound. Fait que je vais juste aller faire une petite pause sur Instagram pour m'assurer qu'on a répondu à tout le monde. Et puis, toutes les autres, vous serez répondus dans le... Le Garden Party. Et puis, il y a même une section où est-ce que je suis en chess. Ouais. Foiré dans une chaise. Si on vous répond pas, c'est parce qu'on vous a coupé au montage. Exact. Ça, parce qu'on était trop guenille. C'est peut-être ça se peut. Là. Ouais. Halloween et Ash versus Evil Dead de Retro Realm annoncé aujourd'hui. Gros jeu. Bon. Merci de l'info. Ah bon? C'est intéressant. Halloween and Ash versus Evil Dead. What the fuck? OK. Non, Halloween, le jeu, et puis Ash versus Evil Dead, le jeu. Donc, c'est deux jeux. Ah, OK. Copie physique dispo. Mais Ash versus Evil Dead, c'est pas un remake, ça, du jeu PS2, là, genre? Retro... Ah non, c'est un jeu. Halloween and Ash versus Evil... OK, c'est Halloween et Ash qui se battent contre Evil Dead. T'es peur, j'ai besoin de trouver ça. Tout ça est très compliqué. C'est très compliqué. Mais moi qui espérais que ça soit un remake de Halloween sur Atari. D'ailleurs, pour les amateurs d'Atari, Atari 50 va ressortir une nouvelle affaire. Holy shit! OK, l'affaire qu'on parle ici, c'est vraiment Mike Myers puis Ash de Halloween et New Evil Dead. New 2D Horror Platformer. Ça va-tu être comme un genre de Splatterhouse, tu sais, mais avec Halloween puis Ash? Hey, les pubs qui existent. Ah, c'est WayForward qui le fait en plus. Colin, Tony Biz, t'es en train de faire ma soirée. Wow, man! C'est donc ben malade. Ce sera couvert sur le show. Ah, définitivement, définitivement. Pour l'Halloween, probablement, on fera ça. Ah, et puis sûrement qu'ils vont le sortir pour l'Halloween, en effet. Bundle... Attends un peu. Ah ouais, Yars Rising. Gros jeu, certain. Wow. Là, il parle de WayForward. Je suis fatigué, mais je déparle. Contre Opération Galuga. Et puis, toujours en attente. On y a joué au WEG, mais la copie physique, il y a quelqu'un qui me le demande régulièrement, personnellement, sur ma page Papa Gassette, en messagerie. Mais c'est à pas. À tous les jours. À tous les mois, mais on l'a pas. C'est pas. On sait pas. Yars Rising, je serais curieux, ça. C'est comme un take. C'est comme un jeu de platforming avec des twists de Yars dedans. Qui reprend, il y a du Yars Revenge, mais qui l'applique différemment, tu sais, dans le jeu. Je sais pas quoi penser de ça. Tu sais, moi, je suis tout à Atari, mais... Ouais. Est-ce que je veux ça, tu sais? C'est comme le petit platforming, il y a de l'air quétaine. Le art, il est pas bien beau. Oups. Mais il y a des sections que tu joues à Yars Revenge, puis il y a une façon... La fille, il y a une genre de descendante de Yars, là, je sais pas quoi. Fait que, y a-tu quelque chose là-dedans? Je le sais vraiment pas. Mais vu que c'est Atari, j'ai envie, mais en même temps, j'ai pas beaucoup d'argent à pitcher dans le feu pour des jeux pas bons. Ça a l'air très vide et ordinaire quand même. Mais c'est WayForward. Ah, mais ils ont pas juste fait des classiques, hein, WayForward. Ouais, hein, il y a ça. On s'entend. Peut-être c'est le B-team de WayForward qui ont fait ça. Ouais, c'est les juniors qui sont arrivés et ont vu. Tu vas faire Yars Revenge. Yars Rising. Yars Rising. Pas Revenge. Ouais. Voilà. Ah, en tout cas. Bon. Ben écoute, je pense qu'on pourrait aller à la conclusion maintenant. Quoi? On finit un show de bonne heure? Ben on finit... c'est le premier show qui aura duré juste une heure et demie au lieu de plus de deux heures. C'est-tu pas incroyable, ça? Wow! Ben, on aurait pu se forcer et puis étirer la sauce. Mais de l'autre côté, on s'est dit aussi... On a une petite affaire à tourner pour conclure le Garden Party pour le tantôt. Faut tourner la conclusion du Garden Party puis on est un peu fatigué. Puis t'as des grosses journées en tant que manager là. Ah, quand même, mais ça lâchera pas. Fait que ça, faut que je m'habitue à ça là. Fait que ouais. C'est ça. Mais ouais, les enfants qui toussent la veille puis tout là, ça joue aussi. Là. C'est drôle, toi t'as des enfants qui toussent à la maison puis moi, ma blonde est partie avec mon plus jeune qui a 11 ans en Beauce dans sa famille cette semaine parce que ma blonde est en vacances. Et puis, t'es tout seul. Hein, ben, je suis pas tout seul parce que je suis avec mon plus vieux. Ouais. Mon plus vieux a 16 ans. Mais il est-tu autogéré, lui-là? Il fait ses affaires. Là, sa blonde, elle vient dormir à la maison à soir. Dans le même lit. Oh! Mais ils font ça à cette heure. Fait que là, toi, t'as des enfants qui toussent, puis moi, j'ai des ados qui fourrent. On est vraiment ailleurs, là, tu sais. Les deux, on se fait réveiller par des bruits étranges dans la nuit. Là. Ah, je sais pas, mais moi, les bruits étranges qui me réveillent... Moi, je me couche genre à 10h. Moi, je vieillis, puis je veux me coucher tôt, là. C'est ma vie, là, me coucher tôt. Puis ça me prend tellement de temps de m'endormir, tu sais. Je pense à toutes mes hosties d'affaires, puis je suis stressé. Mais me coucher tôt, c'est ma vie, puis ma blonde, elle se couche tout le temps tard. Ah ouais? Puis mon plus vieux est en vacances. tout l'été. T'sais, fait que il se couche à 2h du matin, il game avec ses chums, je l'entends rigoler, puis parler, puis crier dans le sous-sol pendant qu'il game à FIFA ou whatever. Fait que t'sais, tout ça me fait du bruit. Là. Moi, c'est ça. C'est pas le toussage, c'est ses affaires. Ah, j'avoue. Là. Mm. Mais ouais, c'est. Mais ce soir, je suis seul, fait que je vais dormir correctement, j'espère. Ah, tu vas être bien. Hein. Tu sais, moi, mon gars se couche, il est genre 8h15, mettons, 8h15 quand je suis chanceux, puis là. Je mets sur le fauteuil avec mon téléphone, puis là, genre, je ferme mes yeux 5 minutes, puis là, il est rendu 10h30, il m'a me couché. J'ai passé 2h, j'ai dormi sur le divan, genre, là, je dors plus, je suis mort. Ah, je sais pas comment tu trop fais. Trop brûlé, là. Moi, je me force. Moi, quand ça m'arrive, ça, je me force pour pas m'endormir, pour garder le sommeil. Mais des fois, pour... des fois c'est trop, t'as pas le choix, là. Faut que tu sois comme un fucké. Faut déjà me coucher direct, puis je suis comme, non, je vais reprendre mon temps, puis je dors pas dans mon lit, là. Mais souvent, c'est comme, bon, il est 8h30. Ok, on va aller préparer le podcast, on va préparer ça, telle affaire, tel projet, j'ai telle affaire à checker. J'ai rendu 10 heures finalement, là, puis j'ai rien fait à part faire mes autres projets, là, donc c'est ça. Puis là, j'ai plein de montages de le fun à faire, par contre, ça va être cool, ça. J'ai bien hâte de jouer là-dedans. Ben, c'est ça, mais prends ton temps, on a le temps en masse, on va voir ce que ça va donner. Ça, anyway, faire du montage, puis j'ai rarement l'occasion d'en faire de façon comme ça, d'avoir du stock à monter, fait que ça va être cool, là, puis vous concocter un petit quelque chose là, de Garden Party, ça sera la première itération. Espérant de le refaire l'année prochaine mieux, plus évolué. Là. Exact. Et on donne pas de date là, de parution. Non, ça va être un extra. Là, c'est ça. Ça va tomber genre une semaine qu'on n'a pas de show, en fait. Probablement. Là. On va dropper tant ça. Qu'à ça là. Le show est aux 2 semaines, fait qu'à un moment donné, on va juste pitcher ça en 2 semaines. Ah, exact. Là. Ouais. C'est bon, ça. Ben, écoute, c'est ça qui est ça. On remercie à tout le monde qui a été présent ce soir. Merci, Tony Biz. On va les saluer une dernière fois, comme ça. Excusez. Tony Biz qui a take over le chat en ce moment. Qui a take over le chat et puis qui nous a annoncé des belles nouvelles. Alors ça, c'est super cool. Merci à tout le monde qui a été présent. Merci à Alex Meunier pour son appel. Oui. Et puis, c'était vraiment cool. Excuse-toi en Mais non, excuse-toi Tony pas. Merci de participer. C'est ça qu'on veut, en effet. Si on était prêt, t'aurais pu nous appeler pour nous parler de ça. ça s'en vient. On travaille là-dessus aussi. Là. On travaille là-dessus. Plein de beaux projets, plein de trucs qui s'en viennent. Là. Puis on remercie les Patreons pour leur grand support. Oui, vous aurez contribué à payer des taxis de retour au Garden Party. Ouais. Et puis plusieurs petites choses. Un flamant gonflable. Et puis je vais te payer la bouffe, Jeff. On s'en reparlera tantôt. Fait qu'on va, envoyez-moi les billes. Là, c'est les Patreons qui vont payer ça. C'est à ça que ça sert. Exact. Fait que allez sur patreon.ca si vous voulez slash Papa Cassette si vous voulez encourager le show. Et puis on remercie tout le monde qui le fait. Sinon, YouTube, Papa Cassette aussi. Et. Ben, poursuivre. Pour tes trucs. Absolument. Young Media, c'est le nom de mon bord, là. Mais il n'y a rien vraiment sur YouTube en ce moment, là. Ben, le Twitch. Le Twitch de Young Media qui diffuse Retour Nouveau en continu, le temps que la soirée du podcast revienne et qu'on reparte la machine à la fin de l'été. Là. J'aime l'été, tout le monde aime l'été, bien sûr, puis l'été achève, mais j'aime aussi beaucoup la période du retour du Canadien, l'automne. Ah, ouais, c'est le fun, ce bout-là. C'est comme une petite vibe. Tu sais, comme quand le blitz de la rentrée est fini, puis le hockey commence bientôt. Fin septembre, là, on commence début à s'énerver. Tu sais, le camp, tu sais, le club. Là, aujourd'hui, ils ont annoncé que Austin Matthews était capitaine des Leafs, là, maintenant. Oui, j'ai vu ça. J'ai même vu le vidéo que John Tavares, il donne le c'est tout, je suis comme wow, ok. Fait que là, je suis comme prend... cool, la petite effervescence du hockey qui s'en vient. Fait que, bien hâte de retrouver ma gang pour reparler de hockey. Tu viendras là, de la place. Puis, certainement. Ça va être également avec version question du public live aussi. Là, ligne ouverte. Probablement que je vais revenir aux 2 semaines. Puis s'il n'y a pas de gars disponible, ça va être moi avec les auditeurs. Là, ça risque d'être juste ça, toi. Là. Moi, puis je prends des cartes puis je ris. Là, ça va être ça. Ça serait malade. Ça va être débile, ça. Yes. Voilà. Alors, merci tout le monde. Suivez tout ça. Et puis, au prochain show, on se dit à bientôt. Yes, bye tout le monde.